Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur, bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, bon après-midi madame, bon après-midi mademoiselle, bon après-midi monsieur. Et bien sûr, vous qui n'êtes pas genré, non binaire ou qui appartenez à d'autres catégories, on va faire plus simple. Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue une nouvelle fois dans les Stamineurs de votre rendez-vous techno, société et culture pop. Si vous êtes des fidèles, vous remarquerez qu'on a changé l'ordre des trois intitulés. Notre établissement est ouvert jour et nuit et il vous accueille sur iTunes, sur Deezer, sur Spotify, sur Podcast Addict, sur Google Podcast, bref, partout où on sait lire un flux RSS. Je m'appelle Matt et nos convives du jour sont Monsieur V pour Valentin. Salut Val. Bonsoir. Pardon, petit coronavirus dans l'air. Excusez-moi. Qu'est-ce que je vous sers, mon petit Valentin, pour commencer la soirée d'agréable façon? Serrez-moi la main déjà et puis après. Ah non, ça. Ah pardon. Ah non. Hola. Ah bah. Hola. Ah non. Hola. Pop. Bah écoutez, je ne sais pas, une petite mousse, hein. Voilà, pour faire simple. Bonsoir, Monsieur Yanda, deuxième convive de cette émission. Et salut, bonsoir, aubergiste tavernier, comment ça va? Qu'est-ce qu'on se met, mon petit Yanda? Écoute, on va se mettre doucement parce que fin de mois oblige, hein. Je sais pas quand est-ce que sera diffusé ce podcast, mais... Quand tu dis on va se mettre, tu veux dire qu'on est dans ce niveau d'amitié-là ou tu parles de... Non. D'accord. Ouais, on va rester professionnel, hein. Je le rappelle, c'est un podcast de professionnels, donc c'est important. Restons professionnels. Tu vas me mettre la même que mon voisin, et puis sur sa note, hein. Comme je disais, c'est la fin du mois, donc voilà, ouais. Je vais faire des économies. Alors que moi, l'avantage, c'est que je suis payé le 28, donc tu vois, vu qu'on est le 29, je peux te payer cette mousse, absolument. Formidable, ça me fait plaisir. Vous pouvez même partager le même bol de cacahuètes si vous êtes un peu aventurier, ça va être très sympa. Troisième convive de ce soir, évidemment, c'est monsieur Chris 2, l'inénarrable Chris 2. Salut mon petit Chris 2. Salut Matt, comment ça va? Ça va mon petit lapin? Bah ça va bien. Ah, j'ai deux questions à te poser. Qu'est-ce que je te sers? Vas-y, la deuxième c'est quoi? Pourquoi Chris 2? Et pas moi, Chris 2 Comics Race, tu vois. Fin... Ah ouais, bah ça je sais pas, c'est toi qui dis Chris 2, c'est pas moi. Sinon je vais boire un petit verre de White Spirit parce que j'ai fait de la peinture toute la semaine et j'ai des pinceaux à nettoyer, donc si t'as ça de côté. Oui j'en ai mais il est frelaté. Il est c'est pas parce qu'il y avait une date de péremption c'est dessus. C'est encore mieux. À consommer avant. Voilà. Hein, tu crois qu'il y a, il y a vraiment une date de péremption sur le White Spirit? Bah je sais pas, faudrait vérifier. De regarder. Je vais aller voir tout à l'heure. Pourquoi Chris 2? Bah parce qu'en fait, je sais pas, c'est toi qui a décidé que genre j'étais toujours Chris de quelque chose, Chris de Comics Race, Chris de l'Estaminerd, Chris de je sais pas quoi. Donc tu m'appelles Chris 2 et j'ai accepté cette... J'ai accepté. Tu t'es cherché, t'étais pas sûr de rester Chris de Comics Race pendant un moment. Et du coup t'aurais été Chris de autre chose et donc simplement Chris 2, on n'était pas sûr. Parce que tu t'es fait connaître sous le nom de Chris de Comics Race, une chaîne YouTube comics en fait. Eh oui. Je sais pas trop où on va là. Où est-ce qu'on va là? J'ai l'impression que ça devient limite philosophique. C'est un peu. Bah non, en fait, tu peux répondre oui. Ah oui, c'est vrai. Je me suis pas fait connaître. Déjà, je me suis pas fait connaître. Les gens me connaissent pas dans la rue. Tu sais, je suis tranquille. Moi, tu vois, je me fais pas emmerder par les mecs et par les paparazzi et tout. Ah non, attends, mais c'est qui l'aspirateur à audience de cette émission? C'est juste parce que t'es un connard hein, que les gens ne viennent pas te voir. Ils te reconnaissent, mais ils disent oula, non, il faut pas aller le voir lui. Mais du coup, c'est une bonne technique en tout cas. Exactement. Non, avant ça, je faisais Arrête ou mon geek va tirer. Et véridique, en salon, on me parle presque plus souvent de Arrête ou mon geek va tirer que de Comics Race. Mais c'est parce qu'en fait, la star, c'est ton frère. Une fanbase minuscule. Non, mais il y a une fanbase minuscule, mais de gens qui sont restés à fond et à qui ça manque, tu vois. Donc, comme quoi, il y a des gens très, très, très bizarres. Mais... Ces gens sont très organisés. Ils sont peu nombreux et ils se cachent parmi nous. Et oui, bah oui, oui. Bah, en même temps, c'est parce que. On m'appelle Chris et comme je fais un truc qui s'appelle Comics Rise, on dit tiens bah c'est Chris de Comics Rise, c'est pour ça. Voilà, ah tu veux dire comme Matt de la sélection Comics en fait? Oui par exemple, voilà. Ou comme Stéphanie de Monaco, tu vois, parce que c'est Stéphanie, puis elle vient de Monaco, on dit tiens c'est voilà. Ou comme Valentin du club échangiste de la 6 aussi, c'est pareil. Bah bien sûr, exactement, voilà. Oui. C'est ça, c'est lui. Ça marche pas bien avec Mister Yanda de Mister Yanda par exemple. Ouais. Ça non, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Non, mais en fait, c'est le truc qui est paradoxal, c'est que du coup, il faudra avoir un pseudo hyper reconnaissable. Alors que, enfin, moi, finalement, je me dis, tant pis, je suis Chris, quoi. Donc après, Puis après tout, quand on te dit Chris, tu penses à qui à part à moi ? À Chris de Berg, parce que j'ai une culture années 80 extrêmement, extrêmement douteuse. Je finirai cette phrase. Ouais, l'adjectif me va. Non, voilà, tu vois, quand les gens qui lisent un peu de comics et tout, on leur dit Chris qui fait de la vidéo, bah ils savent que c'est moi. Donc il y a pas besoin d'avoir un autre. Voilà, j'ai pas besoin d'être une. Être incarné comme avec un pseudo. J'ai toujours un problème avec les personnages, tu vois. Genre, c'est pas du tout le débat de ce soir. On n'a pas dit qu'on en parlerait, mais tu prends des trucs genre le joueur du grenier. Bah le joueur du grenier, quand il sort de son personnage, les gens s'en battent les couilles. Les gens veulent pas voir Frédéric Molas dans une émission. Ils veulent voir le joueur du grenier. Et moi, je veux pas être enfermé dans un espèce de, enfin, crise de Comics Rise dans les vidéos de Comics Rise. C'est à 99% le vrai crise de la vraie vie, tu vois. Donc et ça pourrait être le Chris d'un autre projet si tu te mets à faire un animé d'une autre émission. Par exemple, je pense que mon ton est pas différent là ici dans les Staminerd qu'il ne l'est dans Comics Race, qu'il ne l'est ailleurs. Quand tu m'invites dans un podcast, enfin si t'écoutes les émissions ou les interviews que j'ai pu donner ou des trucs comme ça, je pense être le même connard dans tous les formats où je vais. Donc du coup, c'est voilà, je suis constant, donc j'ai pas besoin d'être un, je suis pas un personnage dans Comics Race et je suis pas un personnage ailleurs non plus. Ça me convient bien comme ça. Je voulais pas rester, tu vois, bloqué dans une sorte de personnage qui serait obligé de jouer son rôle en permanence, quoi. Du coup, je peux être vraiment un con tout le temps, quoi. Non, quand tu es à la maison, t'es assez sympathique. Et ouais, il faut le dire, voilà. On dit la vérité dans cette émission. Et ben, quand je suis chez toi, je dois être un bon personnage. Alors, ça doit être. Ouais, c'est ça, c'est le personnage que. quand il est à la maison. Tu disais, les gens qui lisent des comics te connaissent comme Chris de Comics Race. Tu lis quoi comme comics en ce moment? En ce moment, j'ai lu l'excellent Batman Créature de la Nuit chez Urban Comics. Je sais que Monsieur Yanda va plus soyer tout ça. Oui. Est-ce que tu veux que je te pitche ça ou Monsieur Yanda peut le faire aussi? Non, Monsieur Yanda, il va nous dire ce qu'il lit. Okay. Moi, je veux que vous me pitchiez ça parce que il me fait beaucoup envie, mais je sais que je pourrais pas le lire faute de pouvoir l'acheter et de me le procurer. Donc, donnez-moi envie pour que je puisse pleurer après dans mon coin. Je te rappelle que j'ai toujours une solution alternative pour toi qui te permettra de le lire comme un vrai influenceur. Ah oui, je croyais que tu allais me parler des bibliothèques municipales, mais non, pas du tout. Alors, Batman Créature de la Nuit, c'est écrit par Kurt Busiek et c'est dessiné par John Paul Leon. Je ne sais pas en quelle année c'est sorti. C'est sorti il y a quelques temps, je crois. Hein. Ça a été très étalé. Juste pour la sortie, après je te redonne la main. Ah oui, parce que j'ai lu, non c'est vrai, où j'ai lu la postface et ils ont dit qu'effectivement ça a traîné à mort. Ouais, ça a en fait, ils ont eu des soucis de santé. Le dernier numéro est sorti, si je dis pas de conneries, je crois que c'est 9 mois ou presque 1 an après du coup le numéro 3. C'est une mini-série en 4 et ça a été assez compliqué parce qu'ils ont eu Kurt Busiek et surtout John Paul Leon a eu des soucis de santé. Et donc du coup ça a été très très retardé, surtout le dernier numéro. Mais et du coup c'est années 90 ou 2000, je sais pas. C'est années 2000. Ouais, c'est récent. Le dernier numéro est sorti. Je pensais que c'était un vieux. Sorti d'accord. L'année dernière. Et donc du coup les premiers ont dû sortir il y a 2 ans si tu remontes. Oui, ça doit être quelque chose comme ça. Et John Paul Leon, on l'a connu sur Earth X, du coup. Ouais, il me semble bien que c'est ce qu'il a. Tout à fait. Il me semble bien qu'il a fait ça chez Marvel. Et du coup, ça se passe non pas dans l'univers DC que nous connaissons tous, mais ça se passe dans notre monde, en tout cas dans un monde qui est similaire au nôtre où il n'y a pas de super-héros à la base. C'est un plus ou moins pas calqué, mais basé sur le même concept que Superman, Identité secrète, qui était aussi Pierre Dusik. Trop bien. Et donc qui part du principe, donc Superman Identité secrète, hein, c'est genre un monde où il y a pas de super héros et du jour au lendemain un gars se retrouve avec les pouvoirs de Superman. Alors il s'appelle Clark Kent. Ça va même plus loin que ça puisqu'effectivement il s'appelle Clark Kent et Superman est une BD connue dans cet univers là. Donc en fait du coup le Clark Kent de la BD se retrouve avec les mêmes pouvoirs du super héros qu'il est en train de lire qui s'appelle Superman. Et ben tu fais bien de le préciser puisque dans Créature de la Nuit c'est un petit garçon qui s'appelle Bruce Wainwright, je crois, un truc comme ça. Yes, ouais, trop bien. Et voilà. Et du coup, il s'amuse à laisser un espace entre Wayne et Wright quand il dit son nom. Je m'appelle Bruce Wayne et Wright. À cause de ça, du coup, il est devenu fan de Batman en fait parce que les gens lui faisaient tout le temps la réflexion qu'il adore Batman. Donc pareil, Batman existe dans son univers. Voilà. Ouais. Ok. Donc, Batman c'est exactement existe. Le même concept. Trop bien. Putain, faut que je. Tout à fait. Je suis déjà hypé. Et jusqu'au jour où, lors d'un cambriolage qui tourne mal, ses parents sont assassinés sous ses yeux. Et donc là, la réalité rejoint tristement la fiction, puisque bah en fait, il connaît le même sort presque que Bruce, enfin, que le Bruce Wayne dont il est fan. Trop bien, ses parents sont morts. Pardon. Excellent. Et donc, à partir de là, va commencer à apparaître. Alors, je sais plus dans quelle ville ça se passe. Je suis pas très, tu vois, je suis pas très précis. Hein. Je sais c'est, pas en quelle année sorti. C'est Détroit ou Boston, c'est un truc comme ça. C'est peut-être Détroit, ouais, c'est possible. C'est une ville où il y a assez de, enfin, où il y a visiblement pas mal de criminalité aux États-Unis, je crois. Et donc, va commencer à apparaître une créature qui ressemble étrangement à une chauve-souris. Pourquoi je parle comme Yanda quand je parle des chauves-souris? Tu m'imites mal en plus, putain. C'est oui, c'est ah non, moi j'ai cru que Yanda avait pris la parole. Ouais. C'était vraiment pas terrible, c'est effectivement. C'est honteux. Je m'excuse auprès de tous les gens du Sud. C'est même raciste, tu vois ce que j'allais dire. Y compris Chimène Badi. Donc... oh merde. Je valide cette référence. Et voilà, et du coup je peux pas spoiler, mais ça devient une sorte de polar un peu fantastique, où il y a vraiment cette incursion du fantastique dans le quotidien en fait, et on se demande si le jeune Bruce il est complètement cinglé, ou s'il est en train de devenir un peu cinglé, ou si cette fameuse créature elle existe, ou s'il y a un peu des deux, et il y a pas mal de trucs assez intéressants dans le sens où effectivement on retrouve des personnages de l'univers de Batman, si on peut dire, dans notre monde. Alors évidemment c'est pas les personnages de l'univers de Batman, mais ils y font référence. Il y a un équivalent à Robin, il y a un équivalent au commissaire Gordon. 18 euros. Oh, ça va. Ouais, parce que quand il se fait agresser, le premier flic qui arrive, il s'appelle Gordon. Bon, lui, c'est son prénom. Alors, mais du coup, lui, il voit un flic arriver qui s'appelle Gordon, il pète les plombs. Son oncle, il s'appelle Alton Frédéric. Donc lui, il l'appelle Alfred. Et du coup, il a son Alfred aussi. Ah. Et en fait, le gamin se reconstitue le Batverse autour de lui, en fait. Ok. Alors, du coup, je vais faire mon chieur. Est-ce qu'on peut arrêter de dévoiler des éléments de l'intrigue? Est-ce qu'on peut changer de sujet? Alors, pas forcément. Non, parce bon, que, ok, c'est fini. Pour savoir, je veux savoir si ça t'a plu, ce que t'en penses et tout ça. Mais du coup, là, arrêtez de me parler plus de l'histoire parce qu'il faut trop que je lise ce truc-là. C'est Boston. Ouais, Boston, Massachusetts. Donc voilà, oui, effectivement, de toute façon, j'aurais pas spoilé plus que ça. C'était déjà pas mal. Et donc, ouais, voilà, ça tourne vraiment au polar. Enfin, je sais que je l'ai lu d'une traite et t'es vraiment. Enfin, moi, j'ai vraiment été pris par l'intrigue parce que t'as envie de savoir ce qui est vrai, ouais, ou ce qui n'est pas vrai. Parce qu'il y a quand même ce doute-là. Enfin, moi, j'ai eu ce doute-là tout du long où je me suis dit peut-être que du coup, il est dans une sorte de délire ou. Enfin voilà. Comment c'est possible que le fantastique arrive comme ça dans le monde réel, même si il est extrêmement fan de Batman, etc. Mais il y a tout cet aspect-là qui est super intéressant. Et puis il y a une vraie enquête aussi, parce qu'il y a pas mal de retournements. Donc là, forcément, je peux pas développer, mais il y a un vrai aspect enquête comme dans les bonnes histoires de Batman, parce qu'il faut pas oublier que Batman c'est aussi un flic en fait, hein, un peu détective. Ce côté détective. Bien hein. Sûr. Et ouais, enfin moi j'ai vraiment accroché graphiquement. Alors moi je sais qu'il y a une version noir et blanc. Yanda nous en parlera un peu plus. Moi j'ai lu la version en couleur, mais graphiquement c'est vraiment très très sympa, notamment les apparitions de cette fameuse chauve-souris un peu fantomatique. Et il y a une vraie ambiance un peu ouais, de polar. Enfin, on est vraiment dans un polar un peu sombre et je trouve que le style, c'est un petit peu comme dans un long Halloween ou des choses comme ça. Je trouve que c'est un style qui se prête très très bien à l'univers de Batman en général. Et là, ça fonctionne très bien. Hein. C'est avec Tim Sale, évidemment, c'est un peu différent parce que c'est encore plus, y a encore plus un jeu de contraste et de d'ombrage, etc. Mais en tout cas, voilà, j'ai bien accroché à Créature de la Nuit, si bien que d'ailleurs, comme j'ai pu en parler avec vous, j'envisageais de faire peut-être une petite vidéo dessus, mais pour l'instant, en termes de temps, je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire. Mais en tout cas, c'est très tentant. Voilà. On est d'accord que je suis le seul à pas l'avoir lu. Matt, tu l'as lu aussi? Ouais, moi je l'ai lu. Ouais. Ok. Très bien. Merci. Voilà, donc on attaque maintenant la partie spoil. Et donc en fait, à la fin. Et ouais, donc le noir et blanc, bien. Ouais, le noir et blanc, bien. Très très bien, c'était effectivement. Alors en plus, c'est pour la partie graphique de ce titre, qui est en 4 numéros. C'est aussi c'est assez court. Bah, comme Superman Identité Secrète, d'ailleurs. Comme Superman Identité Secrète. C'est des gros chapitres quand même. C'est pas des chapitres de 20 pages. Hein. Non, c'est pas des chapitres de 20 pages, puisque c'est du Black Label. Donc c'est un petit peu plus. Et du coup, c'est John Paul Leon qui fait aussi les couleurs. Donc t'as une vraie plus-value entre guillemets avec la couleur comme sur tous les artistes, mais t'as vraiment une vision complète. Par contre, son style se prête très bien en noir et blanc. Tu perds un petit peu en lisibilité, je trouve, mais ça, c'est propre à tous les articles, parce qu'en plus, il a, lui, particulièrement un style assez épais, je vais dire. Pas, c'est pas brouillon, parce que c'est pas le mot, mais voilà, la couleur aide à donner de la visibilité à l'ensemble des planches. À différencier les éléments, quoi. Yes, exactement. Donc tu perds un petit peu ça sur les grandes cases ou les grands plans en noir et blanc, mais ça reste très très beau. Et ayant acheté moi la VO en couleur, du coup, quand la version noir et blanc est sortie, je dis allez, on fait un doublé. Mais j'avais eu l'occasion de répondre à un message sur l'Instagram de Chris, à savoir si je conseillais plutôt la couleur ou le noir et blanc. Et moi j'ai quand même plutôt tendance à conseiller pour une première lecture, en tout cas, la version couleur. Et le noir et blanc, c'est si vraiment t'as envie de te faire un kiff avec le trait et les dessins de John Paul Leon. Puis tu le colories toi-même, ça donne une autre ambiance. C'est ça, tu le donnes à tes enfants en livre de coloriage, tout ça, c'est bonne ambiance. Mais les deux versions sont très très bien. C'est différent en noir et blanc, forcément. Et c'est la même histoire du coup ou pas? Et c'est la même histoire par contre. Mais par contre, le noir et blanc accentue aussi ce côté, justement, cette ambiance un peu polar dont parlait Chris à très juste titre. C'est de facto accentué par le noir et blanc et l'atmosphère que ça dégage. Donc ça colle très bien au titre. Et j'avais un peu peur, moi, que ça soit un ersatz de Superman Identité Secrète. Et en fait, pas du tout. Kurt Busiek et John Paul Leon, parce qu'ils ont bossé en commun dessus, arrivent à faire quelque chose de différent. La base est la même, mais ouais, il part après. C'est exactement ça. L'univers, c'est un peu le même délire, c'est un peu la même chose, mais par contre, c'est complètement différent dans les thèmes, dans la façon de l'aborder, dans l'angle. T'as un angle psychiatrique, psychologique, qui forcément est beaucoup plus poussé qu'avec Superman Identité Secrète et qui est vachement intéressant. Voilà. Ça parle de plein de choses en plus, de façon. Enfin, tu vois, je pensais par exemple, il y a un personnage dont on apprend au détour d'une case qu'il est homosexuel, et la façon dont dont tu l'apprends est fait avec beaucoup de justesse, parce que ça change en fait la perspective que t'as sur plein d'événements et plein de. Ça parle aussi, voilà, des tabous et de ce qu'on peut pas se dire et de ce que tu peux être ou ce que tu peux pas être en société et tout. Et quand c'est fait, c'est pas fait genre avec des révélations un peu grandiloquentes et tout. C'est vraiment subtil et voilà, vraiment vraiment hyper juste dans cette partie là. Moi, je suis un peu moins dithyrambique que vous deux sur le titre. J'ai beaucoup aimé la première moitié. Et un peu moins la deuxième. Il y a il y a une révélation qui s'opère vers le chapitre 2, notamment autour des apparitions de cette créature. Et je trouve que ça perd un peu en saveur à partir de ce moment-là. Et j'ai eu un peu plus de mal à rentrer dans la fin du titre ça me plaisait beaucoup et que je suis vraiment tombé dedans au début. C'est parti de mes petits trajets en train où tu commences, tu lis le bouquin, tu dis ah non, je vais pas le rusher, j'en garde pour ce soir et tout. Et je sais pas, la deuxième partie m'a un peu moins intéressé. Après, ça reste très bien, et ça, John Paul Leon a un style très européen en fait, très très sage pour du comics, tu vois. Ce sera pas ni du Silvestri ou du McFarlane ou Moi, j'allais dire, c'est presque de la ligne claire, mais un peu plus fluide, tu vois, un peu de fin. Je sais pas trop comment, je sais pas si c'est un nom, mais bah ça valait le coup de m'interrompre pour dire je sais pas comment ça s'appelle. C'est une sorte de ligne claire, mais faite au pinceau. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ça me semble être aussi quelque chose d'intéressant pour rentrer dans les comics, tu vois, pour tester les comics. Si tu viens plutôt des codes graphiques de la BD européenne et tout, ça peut être un bon. Ouais, c'est vrai. Un bon premier pas, une bonne première marche dans les comics, ouais. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc, on est plutôt dithyrambique sur ce titre, le petit Batman créature de la nuit. Je suis bien saucé. Mais alors, à toi maintenant, Valentin, arriveras-tu à nous saucer avec ta lecture du moment? Ça, c'est autre chose. Il faut rappeler que toi, t'es un lecteur de DC, tu connais bien l'univers DC. Donc, absolument. Il se trouve qu'en fait, je lis du Marvel uniquement via une collection Panini qui a commencé il y a des années, il y a bien 8 ans, 7-8 ans, qui forme une fresque. Hein, vous achetez deux numéros par mois, vous avez une fresque. Donc Hachette, pas Panini. Pardon, Hachette, oui, pardon, excuse-moi. Ouais. C'est collection Hachette, tout à fait. Et du coup, j'ai pas mal d'albums de retard qui sont dans ma bibliothèque, mais que j'ai pas lu. Et j'ai eu une petite pulsion pour lire, continuer ma lecture, et j'ai enchaîné avec Avengers versus X-Men. Et avant de commencer ma lecture, Chris m'a dit « Bon courage ». Voilà. C'est un crossover de 2012 ou 2013 AVX. Ouais, c'est ça. Et j'avais entendu effectivement des échos mitigés, il me semble, de mémoire. Mitigés, j'ai... Bien joué. Eh ben, écoutez, je sais pas si c'est parce que je connais pas beaucoup l'univers Marvel ou parce que avec les différents events et tout ça, machin, que c'est, bon, que je suis pas ça assidûment, mais en fait, j'ai plutôt bien aimé moi cette lecture, et donc vous allez m'expliquer pourquoi c'est nul. Parce que donc je vais vite fait pitcher le truc. Si j'y arrive bien. Mais attends, Avengers versus X-Men, il y a une bagarre entre les Avengers et les X-Men, voilà, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Alors, la raison, wow, mais t'es perspicace, la raison, Thomas, c'est vraiment que le Phénix Noir est de retour et que donc c'est une entité qui peut faire de gros gros dégâts, qui a déjà laissé les mutants dans une fâcheuse posture puisqu'il a envoûté. Il a comment dire, il a su, ce soit possédé, merci, c'est le mot que je cherchais, possédé Jean Grey, et qu'elle en est morte. Et du coup, le Phénix Noir revient. Super spoiler, merci. Oui, pardon. Spoiler de 82. Spoiler de 82, ouais, excusez-moi. Mais du coup, voilà. Et le Phénix Noir revient. Sauf que là où les Avengers se disent on est dans la merde, il faut absolument empêcher que le Phénix possède Hope, qui est la fille de Scott Summers. De Cyclope, donc. Donc là où les Avengers veulent empêcher ça, Cyclope lui se dit mais non, mais en fait cette entité là est aussi une entité de renaissance, et vu qu'on n'est plus que 200 mutants sur Terre suite aux événements liés à la sorcière rouge qui a décidé qu'il n'allait plus avoir de mutants sur Terre, et bah c'est l'occasion rêvée pour nous de retrouver un peu un nombre, enfin de retrouver notre statut de mutant et de d'avenir de l'espèce humaine. Donc, Cyclope et d'autres mutants sont pour que le Phénix Noir possède Hope, et les Avengers sont contre, et du coup, il y a bagarre. Il y a bagarre, mais j'ai trouvé ça, et c'est le cas de différents events que j'ai lus chez Marvel, j'ai trouvé ça assez bien fichu, dans le sens où tous les personnages ont leur raison et ont leur motivation vis-à-vis de l'événement en question, et sont plutôt en accord, j'ai l'impression, avec les caractères de chaque personnage. Et du coup, les voir juste avant de se foutre sur la gueule à gros coups de poing et à gros coups de laser dans les yeux et tout ça, machin, il y a quand même des joutes verbales assez sympas où chacun expose son point de vue, et c'est plutôt bien fait. Et là, j'ai plutôt aimé comment... La façon dont les situations dérapaient à chaque fois, avec un petit mot de travers de l'un qui fait que bah non, mais du coup tu dis de la merde, je suis pas d'accord, et puis ils en viennent au point et tout, enfin voilà, je te tape, et on se tape et on fait la bagarre, puisque en fin de compte ça reste un prétexte pour faire la bagarre. Mais j'ai été surpris, et agréablement surpris, de voir que il y avait aussi un minimum de fond, quoi, et que du coup j'ai trouvé ça cool. Voilà. Du coup, Marvel, c'est mieux que DC, on est d'accord ? Non, c'est pas mieux que DC. Par contre, ouais, il y a des trucs où je me suis dit, alors pardon, mon Facebook n'arrête pas de bipper, alors je vais couper ça tout de suite, excusez-moi pour ce petit... C'est des femmes qui te harcèlent. Si seulement. C'est les notifications. C'est les notifications. C'est ça. C'est dans le thème. Notifications. Non, je sais même plus ce que je dis. Ah oui, si, non, il y a... Je pense que lire du Marvel trop longtemps d'affilée, ça va me péter les couilles, parce qu'il y a plein de trucs qui me gênent, ou en fait c'est différent de DC sur quelques points et qui me plaisent pas, juste c'est une question de goût, hein, c'est pas voilà, mais c'est trop attaché à notre monde, je trouve, comment dire ça, c'est trop C'est plus terre à terre que DC, c'est ça, je trouve. C'est aussi. Ça, et ouais. Du coup, moi, je préfère DC pour tous ces symboles et tous ces... Alors, avec des gros sabots, hein, bien sûr, mais ces mythes et ces légendes et tout ça qui sont plus... Enfin, voilà. C'est plus orienté dans ce sens-là chez DC que chez Marvel, qui est plus effectivement terre à terre et au niveau de la société, ce qui est très bien aussi. Voilà, je préfère DC, mais ça, c'est une question de goût en fait. C'est vraiment deux façons de voir les choses. Et donc, du coup, vous qui êtes de fins connaisseurs de l'univers Marvel, pourquoi c'est pas bien Avengers? Ah, bien, je vais te le dire. Ouais, bien, je vais te le dire. Voilà, si vous me permettez, je n'en sais rien. Voilà. En fait, les Avengers et les X-Men, c'est vraiment deux équipes complètement opposées de base chez Marvel. Elles apparaissent quasiment en même temps. Et pourtant, t'as vraiment un fonctionnement très différent. Les Avengers, quand même, assez rapidement, notamment via Tony Stark, qui a un statut particulier de chef d'entreprise, tout ça, milliardaire, deviennent une espèce de... pas d'entité gouvernementale, quoique rapidement, si, il y a le gouvernement qui met le nez dedans, mais ça devient une institution, quoi. Genre, c'est eux qui font régner l'ordre, et c'est quand il y a la merde, t'appelles les Vengeurs, et c'est eux qui font, voilà, qui remettent les choses en ordre. Les X-Men, c'est une école, mais finalement, bah, c'est une école où l'éducation nationale, j'allais dire, mais en tout cas, le système éducatif standard. A pas son mot à dire. Au moins, à l'école des X-Men, tout le monde porte son masque. Donc, je. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, du coup, ils sont un peu. De toute façon, sans spoiler les événements actuels, les X-Men, par nature, ont tendance, plus le temps avance, à s'opposer un peu au système. On va dire actuel, pour créer leur propre fonctionnement, jusqu'à créer leur propre nation. Et du coup, c'est vraiment deux visions très différentes. Une qui est tournée dans un mode un peu, pas autoritariste, mais en tout cas un peu en mode police, on vient régler les problèmes. Interventionniste. Et l'autre, ouais, voilà, et l'autre qui est dans un aspect de repli sur soi avec le temps, en fait, puisque malgré tout, ils ne seront jamais tolérés. C'est-à-dire, c'est d'ailleurs l'un des paradoxes finalement assez incompréhensibles chez Marvel, c'est que les gens n'ont pas peur de Hulk, si, un peu plus, mais enfin des Vengeurs, tu vois, d'un mec comme Ant-Man, ils n'ont pas peur d'un mec comme Ant-Man. Par contre, ils ont peur des X-Men, qui sont techniquement des super-héros aussi, quoi. Il n'y a pas forcément plus de raisons parce que le personnage a des pouvoirs mutants de naissance, d'en avoir peur ou moins peur. Enfin, c'est complètement. C'est parfois un peu chelou et un peu usé. Et d'ailleurs, c'est du coup, pour en arriver à Avengers vs X-Men, ce que je reproche au titre, c'est qu'en fait, c'est. Enfin, moi, quand je l'ai lu en 2012, c'était du déjà vu et du déjà lu. Tu vois, c'est un truc. C'est les crossovers Marvel pour boucher quelques mois et faire des vrais faux events qui généralement n'ont de répercussions que le temps d'un an ou deux, le temps jusqu'au prochain reboot en général. Et voilà quoi. Ça veut pas dire que c'est mal écrit, parce que tu vois, tu parlais des dialogues et tout. Je dis pas que c'est mal écrit ou qu'il y a pas de fond, hein, loin de là. Mais en fait, ça apporte rien au débat. C'est-à-dire que avant le crossover, les Avengers et les X-Men avaient le statut dont je parlais. Et que aujourd'hui encore, donc 8 ans après, les Avengers et les X-Men ont le même statut. Les Avengers sont toujours les justiciers qu'on appelle quand il faut rétablir l'ordre, et les X-Men sont toujours les parias qu'on ne tolère pas et qui veulent monter un peu leur propre société dans leur coin. Enfin voilà, c'est le problème des Big Two, hein. D'ailleurs, c'est aussi valable chez DC en général. On en revient toujours au statu quo à la fin. Donc tu sais que tu vas lire ça, ça veut pas dire que c'est vraiment mauvais dans le fond, mais tu te dis, en fait, je passe un temps fou à lire ça, je dépense de la thune pour le lire, et il y a pas de fin, quoi. On va revenir forcément dans une boucle où les personnages vont garder leur statut. Enfin, je veux dire, Iron Man, Tony Stark, c'est toujours le mec pété de thune, même s'il y a des variantes, c'est toujours le mec pété de thune qui va être un peu méprisant. Et puis Cyclope, c'est toujours le leader des X-Men qui essaye d'être un gars un peu droit et tout. Pour le coup, il y a eu des variantes plus intéressantes dans les années 80 et 90. Tu vois, on a quand même remplacé Tony Stark dans l'armure d'Iron Man par Rhodey. On a eu un Thunderstrike à la place de Thor. On a eu US Agent. Agent, il y a quand même une génération d'Avengers, par exemple, où on a vraiment tenté de modifier les héros et de les rendre un peu plus vénères si ou badass ou dans les codes de l'époque. Si tu prends les All New X-Men, c'est, moi j'ai trouvé ça très intéressant que Cyclope rejoigne Magneto et devienne du coup plutôt badass, alors que c'est un personnage assez lisse à qui on reproche souvent d'être un peu mou et tu vois pas très entreprenant, par exemple avec les femmes ou des choses comme ça. Moi je trouvais ça super intéressant de voir un Cyclope genre qui s'affermit et qui disait bah non en fait ouais ok moi je vais avec Magneto et on va s'imposer par la force, tu vois. Je trouvais ça hyper intéressant et je préférais ça au Cyclope que je connaissais depuis 20 ans et qui effectivement était le mec le plus passif de la Terre. Donc il y a plein de bonnes idées, mais en fait au final on revient quasiment toujours à ce... Alors chez les X-Men ça change un petit peu maintenant parce que les auteurs les emmènent de plus en plus vers ce côté indépendantiste qui veulent créer leur nation et tout, mais pour combien de temps jusqu'au prochain retour en arrière, tu vois, c'est un peu ça le problème chez Marvel, quoi. Bon, après on n'est pas, enfin je sais pas vous, moi je suis pas à jour sur ce que fait Hickman par exemple ou sur les X-Men qui a priori Oxbox là a priori qui est très bien en ce moment, donc on le lira plus tard hein, quand ça sortira moins cher. Moi concernant AVX, je n'ai pas aimé ce crossover parce que j'ai pas trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça vu et revu, ça m'a pas paru particulièrement bien écrit. J'ai trouvé que les premiers épisodes étaient en plus particulièrement mal dessinés par un Romita que donc c'est John Romita Jr. le dessinateur que j'aime pas trop. Que j'aime pas non plus d'ailleurs. D'habitude, et là, il y a quand même si des épisodes... Si j'étais mauvaise langue, je dirais que mal dessiné ou dessiné par John Romita Jr., c'est des, voilà. C'est des synonymes. Exactement. Y a pas de... Mais je suis vraiment mauvaise langue parce qu'en vrai, j'ai bien aimé son taf sur Superman. Je trouvais que sur Superman, ça marchait très bien. Mais tu vois, moi, j'avais des trucs de Daredevil là, qui est sorti chez Semic quand j'étais petit. Des années 80. Du coup, ça butait, quoi. Il a fait un caïd qui était tout à fait fantastique. Alors, je ne sais plus comment s'appelle le truc, mais c'est Daredevil qui n'a pas de costume. Il est genre juste en jogging noir avec un bandeau sur les yeux. Et c'est peut-être l'homme sans peur d'ailleurs. Bref. Oui, c'est ça, il y a ça avec Anne Nocenti, je crois que c'est ça. Et du coup, ça c'était très bien, quoi. Mais depuis, tu vois, quand il a fait les trucs genre World War Hulk ou des trucs comme ça, je trouve ça assez dégueulasse. Et des trucs de cette période-là, je les trouvais assez crado. Et du coup, bref, oui, je graphiquement, ça m'a pas voilà, plus chauffé que ça. Il y a un côté en plus, il y a un côté hyper bagarre. Alors, je sais pas si dans ton bouquin, t'as que l'histoire principale, mais à côté de ça. Les tie-in, c'était que des versus, un Avenger contre un X-Men. Y avait ça et aussi. C'était un, c'est un match, oui, pour le coup, c'est un match de jeux vidéo par épisode. Exactement, quoi. Enfin, c'est la grosse façon bête et méchante, pardon. Excuse-moi, Matt, est-ce que tu peux expliquer c'est quoi un tie-in pour ceux qui n'ont pas la couleur? Tout à fait. Est-ce qu'on pourrait expliquer d'où vient cette expression pour ceux qui n'ont pas la couleur? Du coup, un tie-in, c'est un épisode qui est un épisode de complément d'une série principale. Donc Avengers vs X-Men, il doit y avoir 6 épisodes mensuels qui sortaient donc chaque mois aux États-Unis et qui à eux aussi se racontent une histoire. Et à côté de ça, tu as donc les tie-in qui te permettent de voir ce qui se passe à côté de l'histoire principale et de pouvoir en savoir plus dans ce qui se passe dans cet univers. Typiquement, tu vas avoir 2 personnages que tu vas voir s'affronter vite fait ou partir pour s'affronter dans l'épisode 2 et dans l'épisode 3, tu vas voir que un des 2 personnages a gagné l'affrontement. Et ben donc si tu veux voir comment est-ce que tel personnage a défoncé tel autre personnage, et bien tu achètes le tie-in. Et donc dans cet épisode tu vas voir le Avengers se bagarrer contre les X-Men et puis celui qui gagne, ce qui permet de super faux raccords puisque du coup dans la série normale tu as un personnage qui tu vois qu'il a gagné le combat et qu'il a tout son costume, et dans le combat qu'on voit dans le tie-in à la fin, son costume est complètement déchiré et il y a exactement le même dialogue que dans la série principale, sauf que là il a pas son costume du coup, et oui, parce que les trucs sont dessinés en parallèle par deux dessinateurs, voilà. Chacun dans leur coin, qui n'ont pas forcément le temps de se mettre d'accord sur ce genre de détails. Et d'ailleurs, je me souviens que ces fameux tie-in, c'est ce qui m'avait fait vraiment lâcher le truc, parce que c'était vraiment, vraiment mauvais. Ah, c'était neuneux à mort. Et moche, ouais, voilà. C'était vraiment. Alors, je crois que les tie-in m'avaient vraiment dégoûté du crossover. Justement, en fait. J'attendais qu'on en parle parce que. Donc, moi, quand j'ai lu ça dans les bouquins de Hachette, en fait, ils sont à la suite des histoires, enfin, de Avengers versus X-Men, la série principale. Et du coup, je me suis dit, putain, si j'avais dû acheter ça en parallèle. Comment j'aurais crisé aussi, parce qu'effectivement c'est très bas du front, c'est complètement con, mais puis tu les payes au prix fort, c'est, tu les payes tes 4 dollars comme d'habitude quoi. Exactement, sauf que du coup dans cette façon là de publication, en fait j'ai trouvé ça rigolo et je l'ai pris pour ce que c'était, en mode ouais c'est neuneux, c'est juste de la bagarre et c'est comme quand t'as 6 ans et que tu dis, enfin ou 7, 8 ans et que tu fais, on disait qu'en fait, par exemple, Superman, il va combattre Batman, en fait du coup ça va se passer comme ça et c'est exactement la même chose. Ça c'est le film de Zack Snyder ça. Enfoiré. Mais pour le coup c'est exactement ça, c'est bête et méchant, c'est on va prendre deux personnages et puis on va juste les faire se taper dessus et puis qui va gagner à la fin. Mais si tu payes pas plus que ce que prévu et que tu as ces histoires en plus, oh, c'est rigolo, moi ça m'a fait marrer, mais effectivement c'est très bas du front et c'est complètement con quoi. Et après, enfin toi tu le lis avec 8 ans de décalage par rapport à la publication. Moi je l'ai lu dans son ambiance d'origine et en fait les années 2000, alors il faut savoir que dans les années 90, Marvel a fait la surenchère avec ce genre d'événement. Les lecteurs étaient perdus, il y avait beaucoup de couvertures, beaucoup de trucs à suivre. Et du coup, les lecteurs avaient arrêté de suivre ces trucs-là. Et ça avait. Marvel était en banqueroute, ça avait dû être acheté par une boîte qui fabriquait les jouets. C'est Toy Biz, c'est une boîte qui fabriquait les jouets des personnages Marvel. Dans les années 2000, ça s'était un peu calmé et les crossovers surtout étaient un peu plus qualitatifs puisqu'on s'est tapé des trucs au début des années 2000 comme House of M ou comme Civil War qui étaient des choses dans lesquelles il y avait des récits intéressants, des choses à manger. Il y avait d'autres, il y a un postulat qui est intéressant dans un crossover qui arrive un peu plus tard qui s'appelle Secret Invasion où en fait plein de super-héros ont été remplacés par des aliens et donc à quel super-héros tu peux faire confiance si en fait c'est des aliens qui ont remplacé tes collègues et qui sont eux aussi en train de travailler pour l'invasion. Et puis à partir de ce moment-là, ça commence à devenir un peu moins bon et un peu moisi. Et cette course vers le moisi, pour moi, est symbolisée par ce petit Avengers vs X-Men, quoi, qui était vraiment un truc où juste on va mettre en scène des trucs de bagarre un peu vite fait. Mais ça se trouve, en le relisant aujourd'hui, ça se trouve, oui, c'est bien et voilà, je l'ai pas relu voilà depuis sa sortie française à l'époque en fait. Je dis pas que c'est exceptionnel ou quoi que ce soit, mais effectivement moi j'ai passé un bon moment, j'ai pas trouvé ça si con que ça dans son déroulement et dans son évolution. C'est peut-être un peu long, il y a un ventre mou vers au niveau du deuxième tiers de l'histoire, mais non, je trouve ça c'est pas oui, mal. Oui, visiblement c'est plutôt 12 numéros que 6 numéros, oui, c'est vrai que c'est long quoi. C'est ça. Et le début est mortel, la fin bon, c'est un peu le meilleur se trouve au début. Voilà, c'est peut-être le seul point négatif. Donc, plus c'est mal dessiné, plus c'est bien écrit en fait. C'est le repère un peu qu'on peut se donner. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Donc voilà, je vais pas détester quoi. J'ai pas détesté. Et j'ai... Bah, c'est bien pour un DCiste. Si tu devais le comparer pour toi sur l'échelle des crossovers DC que t'as pu lire, du coup AVX, c'est quoi? C'est le Crisis on Infinite Earth. C'est que j'ai pas trop trouvé. Après, j'avoue que je suis un peu rouillé au niveau des events DC et tout ça. Il y a Yanda qui s'est raidi quand j'ai dit ça. Laisse tomber quoi. Sale fou. Vu comment vous en parlez, c'est impossible que ça soit un Crisis on Infinite Earth. Allons, soyons sérieux, s'il vous plaît. C'est quand même un podcast de professionnels. Donc. C'est ça. Mais non, j'ai pas trop de parallèles. J'ai pas trouvé trop de parallèles. C'est pour ça que j'ai bien aimé aussi, quoi. C'est que j'avais l'impression, même si c'est un peu toujours la même chose, on est d'accord, mais j'avais l'impression de lire quelque chose d'un peu différent de ce que j'avais l'habitude de lire chez DC, quoi. Mais j'allais dire, c'est vrai que c'est le genre de crossover qui n'existe pas trop chez DC, ce genre d'affrontement entre équipes et tout. Enfin, j'ai l'impression que Justice League versus Suicide Squad il y a pas très longtemps, mais c'était pas. Ouais, pour moi c'est un peu de ce niveau-là, mais c'est, je pense que DC fait un peu moins de trucs de ce genre-là, de crossover. Un peu, souvent c'est des gros événements, mais là c'est un peu des micro crossovers, tu vois, en cours de route. Des micro cro. Des micro cro. Micro cro deal. Et du coup, ça, souvent c'est un peu cragnos quand même. Qu'est-ce qu'il lit, Mister Yanda, lui, du coup alors? Eh bien, écoute-moi, ma dernière lecture que j'ai terminée il y a quelques jours, c'est un superbe one-shot qui s'appelle LC Business de Jean-Charles Samuel Enwerve. Ah non, pardon, on parle de comics, excusez-moi. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié un truc important. On a parlé de John Ponleon et il y avait du John Ponleon gratuit pour le Batman Day. Ouais, si vous avez eu la chance d'en avoir, parce qu'apparemment les stocks étaient assez restreints. Mais effectivement, oui, ils ont. Bah, on vend les nôtres sur lestaminaires.fr, bien sûr, vous pouvez récupérer. C'est vrai. À des tarifs tout à fait spéculatifs. Sur lestaminaires.fr, vous pouvez récupérer nos Batman Day qui peuvent être dédicacés. Il y en a dédicaces sur Batman Day, je dédicace le mien. Bien sûr, bien sûr. Et à ce moment-là, on a une surfacturation absolument indécente, puisque rappelons-le, nos signatures valent de l'or, voire quelques bahts. Donc c'est important. Bah, elles sont rares en fait, comme en fait personne nous en demande. C'est des exactement. Signatures qui sont très rares. Exactement. C'est tu vrai. Sais qu'on m'a demandé une fois de signer un truc, j'étais trop mal à l'aise. C'est quand je faisais Comics Mag. On m'a demandé de signer un Comics Mag et je savais pas où me foutre en fait. Je savais pas où s'il fallait accepter ou pas. Je sais que Xavier Fournier refusait de signer ses Comic Box par exemple. Donc mon premier réflexe a été de dire non, ça m'ennuie un peu de signer ça. Et puis après, du coup, comme le ça avait quand même l'air de faire plaisir aux gars, je vais quand même envoyer après un Comics Mag signé. Mais j'étais très mal à l'aise. Faut-il signer ou pas ses œuvres quoi? Prochain débat. Pourquoi tu... Prochain débat. Ouais, ok. Non, j'avais demandé pourquoi tu refuserais, en fait, mais on peut en parler après. Parce que c'est un connard. Parce que c'est un connard. Moi, je suis un connard, c'est pour ça qui... Non, je sais pas. Ça me met mal à l'aise. D'accord. Merci. Tu veux en parler un petit peu plus, peut-être? Ou allons-y, tu peux en parler, hein, y a pas de souci. Non, ça vaut mieux. J'étais passé à autre chose. D'accord. C'est Valentin qui m'a relancé okay. De façon outrancière. Non, en plus, oui, Batman Terminal, qui était donc une histoire écrite par Benjamin Percy. Et dessiné par John Paul Leon, qui avait été publié, il me semble, dans un kiosque, puisque c'était un numéro de Detective Comics, c'était un fill-in entre deux gros arcs. Mais Yanda, coup, qu'est-ce que c'est un fill-in pour ceux qui n'ont pas la couleur? Je l'attendais. Alors, un fill-in, qu'est-ce qu'un fill-in? Un fill-in ou épisode filler, c'est un épisode en comics, un chapitre, qui généralement, ce qu'on pourrait aussi appeler un mini-arc, c'est-à-dire un petit chapitre, donc une histoire d'un scénariste, souvent de transition, c'est-à-dire entre deux gros arcs. Remplissage. Oui, voilà, du remplissage aussi, ça peut être aussi ça. En fait, on a les histoires en comics sont déroulées en arc narratif dans en général 6 épisodes, et on va avoir des runs de scénaristes qui sont plusieurs arcs à la suite les uns des autres, assurés par le même scénariste. Et vient le moment où ce scénariste qui assure un run depuis X numéro s'en va, et le temps qu'on trouve ou qu'un nouveau grand scénariste mette en place son histoire, on va avoir un trou à combler de 1, 2 ou 3 épisodes des fois, et là on va demander à un scénariste, un petit jeune ou quelqu'un qui a du temps, de venir faire une petite histoire intermède, un petit entre-deux, une histoire de remplissage que l'on appelle un fill-in ou épisode fillers. Voilà. Ce qui nous rappelle l'album de Sum 41 qui s'appelle All Killer, No Filler, à savoir que sur cet album il y a All Killer, donc que des titres qui défoncent, No Filler, pas de titre de remplissage. Superbe. Et c'est cette magnifique transition que je reprends la main sur ma dernière lecture, qui est donc lecture comics. Et en plus, tu vas voir, ça n'a absolument aucun rapport avec Sum 41. Ma dernière lecture, c'est le tome 9 de Flash Rebirth, qui comprend l'arc Flash année 1. Donc, c'est écrit par Joshua Williamson et dessiné par Howard Porter. Alors, petite. T'es en VF là. Oui, en VF, ouais. C'est sorti en VF chez Urban Comics, c'est le tome 9 de la série Flash Rebirth. Et alors, petite précision, le tome précédent que j'avais lu de la série Flash Rebirth, c'était le tome 1. Et donc, du coup, j'ai pris le tome 9 et je n'ai pas lu les 7 tomes entre. Est-ce que ça m'a empêché de comprendre l'histoire? Non. Voilà, ça c'est une première chose. Et je pensais que t'allais partir sur un personnage. Est-ce que ça m'empêchait de comprendre le truc? Non, car je suis pas un de ces grands connards qui a besoin quand lui. J'aurais pu, mais c'était juste sous-entendu dans le texte. Mais en gros, ouais. Bon, déjà parce que ça raconte du coup le Flash année 1, donc c'est-à-dire que c'est un épisode grandement flashback qui revient sur la première année d'existence du personnage de Flash et sa première grande aventure. Donc c'est un petit peu un flashback. Et ça flashback, fait quand même... j'ai la ref. Flashback. Tu as compris. Mais ça fait quand même quelques références à des éléments qui ont survenu dans les tomes précédents, qui m'ont pas forcément trop donné envie de lire parce que il y a des nouvelles forces qui ont été qui ont été inclus. Donc Barry Allen, le Flash, puise son pouvoir dans la force Vélos. Ça, c'est le truc connu, voilà. Et visiblement, Joshua Williamson, qui est le scénariste sur le titre depuis la relance, j'ai un doute. En tout cas, il est arrivé dans, à partir de Rebirth. Il a inclus de nouvelles forces, à savoir la force Colosse, la force Sagace. Ouais. Et y en a une troisième dont j'ai perdu le nom. Et ouais. Bon, les personnages sont stylés. Ça a l'air. Mais je. Non, pas trop. L'apparition de ces forces-là affaiblit la force Véloce parce qu'elles sont en opposition. Enfin bref, c'était. Ça m'a pas forcément trop donné envie de rattraper mon retard. Par contre, l'histoire Flash Year One, donc Flash AD1, était très très cool parce que si on connaît un petit peu l'histoire de Flash Barry Allen et les premières aventures historiques, eh bien... Dis-moi qu'il y a la tortue. Il y a la tortue. Ah oui, Bah oui. Il y a une version Rebirth et revisitée de la tortue, qui est donc le premier ennemi emblématique de Barry Allen lors de sa première apparition en 1956. Qui est un super vilain qui bouge très très très très lentement et c'est pour ça qu'il est trop fort. Et je trouve ça complètement con et génial. Exactement. Et donc du coup, l'année 1 reprend d'une certaine façon l'opposition entre Flash et la tortue. Donc c'est très malin, c'est très bien fait de la part de Joshua Williamson, puisque Rebirth étant un espèce de reboot de DC, il refait un petit peu des origines mises à jour et la première année en tout cas racontée remise à jour, donc c'est assez chouette. Il y a quelques gimmicks de scénario un peu relous, c'est-à-dire souvent le héros va se parler à lui-même ou le méchant va faire des grandes tirades de menaces et ça revient assez souvent, donc ça c'est un petit peu chiant à force, mais à côté de ça c'est très dynamique et ça se lit très très bien, ça s'enchaîne assez vite. Et alors les dessins de Howard Porter, c'est juste une dinguerie sur 20. J'avais été à l'époque de la sortie en VO, donc il y a un petit peu plus d'un an maintenant, hyper hypé par les couvertures qui sont également signées par Howard Porter et qui défoncent. Ils en ont d'ailleurs pris une pour l'illustration du tome chez Urban et c'est juste, c'est mieux, tu me diras, excellent. Hein. Des fois ils prennent les variantes et les variantes ne sont pas forcément celles qui sont faites par l'artiste régulier, et là en l'occurrence ils ont pris une couverture régulière qui est dessinée par Howard Porter, et les intérieurs de Howard Porter, donc les planches à l'intérieur même du numéro, ça défonce. Je suis ultra fan de Howard Porter et là je trouve que ce qu'il a fait c'est hyper bien. Il a un style très très énergique aussi, donc forcément sur Flash ça va super bien, c'est vraiment canon. Et y a un deuxième arc après du coup le Flash année 1, puisque c'est un gros tome, hein, c'est un tome qui fait je crois 12 numéros, c'est plus Howard Porter qui dessine, c'est Rafa Sandoval en grande partie. C'est un tome de 328 pages. Ouais, donc c'est ça, il doit y avoir 12 numéros, je sais plus exactement de mémoire, mais il doit y en avoir une bonne dizaine. Et là pour le coup on reprend là où on s'était arrêté avant l'arc année 1, et on retrouve les Lascars qui sont donc les ennemis emblématiques de Flash. Il y a un parallèle avec Justice League et une intervention de Lex Luthor qui a priori a mis pas mal le bazar au sein de l'univers DC et a octroyé de nouvelles possibilités aux méchants, donc ça vient rejoindre un petit peu tout ça. C'est un peu moins intéressant que vraiment la partie année 1 qui est très très cool, et Rafa Sandoval c'est beaucoup plus classique en termes de dessin, donc c'est joli, ça marche bien, mais ma préférence va haut la main au travail réalisé par Howard Porter dans la première moitié du tome. Donc c'était très cool, je suis très content, je l'avais acheté pour lire l'arc année 1, j'ai pas du tout été déçu et c'était très bien. Et la deuxième partie, un petit peu moins bien, mais c'est peut-être aussi parce que j'ai moins accroché à ce système de nouvelles forces mises en place, et que là, par contre, ça s'appuie beaucoup sur des événements des tomes précédents, et que ne les ayant pas lus, j'ai pas tout le background, et donc je suis peut-être un petit peu moins hypé et attrapé par l'histoire en l'apprenant en cours de route, quoi. Donc j'ai compris ce qui se passait, mais voilà, c'était bien, mais sans plus. Par contre, la première partie, Flash AD1, c'est très très bien. Howard Porter, tu m'as bien chauffé, c'est le mec qui dessinait la GLA de Grant Morrison, je suis allé vérifier là pendant que entre autres, qu'on parlait, et moi dans les années 90, ouais. J'aimais beaucoup ce dessin-là, qui avait plein de défauts, et notamment il y a des yeux qui étaient mal placés, déjà je le voyais quand j'étais petit, mais il y avait une vraie grosse énergie là-dedans, et... Carrément, il l'a encore aujourd'hui. Hein. Ouais, il a fait ça super bien, et il a fait aussi Justice League 3000 aussi, à l'époque des New 52, qui était mortel au niveau du dessin. C'est génial, cette série, c'est génial. La série en elle-même est super, et les dessins sont mortels, effectivement. Ouais. Très bon Howard. Sorti chez qui, du coup, en France? C'est pas sorti, pas en, sorti France. En France. Non, non. Et voilà. C'est un des rares trucs que j'ai en VO chez moi. C'est vraiment une chouette série. Ouais. Eh ben bravo. Et toi, Matt? Et moi, j'ai fini Mister Miracle. Oh, mais c'est trop bien! Excellent! juste avant, j'avais lu Batman, Créateur de la Nuit. Tu as lu que des bonnes choses, alors. J'ai lu Mister Miracle. Ouais, c'était super. Vraiment, c'était super. Mister Miracle, du coup, c'est écrit par Tom King, qui est le scénariste qui vient de quitter le titre Batman. Et Tom King a une sorte de fascination. Et il met du syndrome post-traumatique dans à peu près tous ses récits. On peut dire ça comme ça. Je parle sous votre contrôle, hein, Mister Ganda, évidemment. Il faut faire très attention à ce qu'on dit. C'est un peu caricaturé, mais oui, en l'occurrence, sur Mister Miracle, c'est tout à fait le cas. Sur Batman aussi, mais c'est pas que du PTSD, mais oui, c'est quelque chose d'important chez lui. Mister Miracle, c'est un personnage que je connaissais pas plus que ça. C'est un personnage qui appartient à l'univers des New Gods, qui a été créé par Jack Kirby et tout ce genre de choses. On n'a pas besoin d'en savoir trop non plus, à la rigueur, ça passe pour lire le titre. Et c'est un super-héros qui a des pouvoirs un peu étranges, puisque c'est un escapiste. Son super pouvoir, c'est qu'il arrive à s'échapper, à sortir de boîtes dans lesquelles il a été emprisonné. Alors c'est plutôt bien, on te réintroduit quand même plutôt bien l'univers des New Gods, le fait qu'il y a eu la guerre entre le Haut-Père et Darkseid, qu'ils ont échangé leurs enfants, que du coup Orion a été élevé par le Haut-Père alors que c'était le fils de Darkseid, et que Mr. Miracle, ouais. Scott Free, puisqu'il est emprisonné, lui a été élevé par Darkseid alors que c'était un enfant du Haut-Père, voilà, je vais y arriver. Du coup, on le retrouve dans son quotidien, en fait. C'est un peu ça le pitch de l'histoire. Et il va se passer des trucs, évidemment, parce qu'il va être rattrapé par la guerre entre les deux planètes, puisqu'il va avoir un gamin, puisqu'il va se passer tout ce genre de choses. Mais on reste dans un récit, pour le coup, qui est très terre-à-terre, qui est toujours à hauteur d'homme, dans lequel on va suivre lui en fait en tant que super-héros complètement désabusé. C'est ça, l'histoire commence, il est complètement dépressif, quoi. Et voilà. Et je trouvais que ça commence bien, ça m'intéressait en fait se dérouler. Encore une fois, je vais pas au bout, quoi. Il y a à partir du moment où là un gamin, je trouve que ça commence à tirer un peu en longueur. Il y a plein de trucs qui m'ont fait rire. Il y a un personnage notamment qui s'appelle Orion, pareil, que je connais mal, mais que j'avais vu dans le Wonder Woman de Brian Azzarello, donc que je pouvais replacer un peu. Et là, ils en ont fait une sorte de Jules César complètement dégueulasse. Et ça marche très très bien. Ça m'a beaucoup fait rire. Mais je trouve que le titre est surprenant dans la il aborde les super-héros de façon surprenante. Il a une mise en page très très rigide, ce qui donne un peu de un côté agréable au titre, parce que c'est je sais pas, il aime bien le gaufrier. Ça sent exactement, ouais. Il aime bien les trucs en 9 cases. Ça changeait de ce que j'avais pu voir et tout, et ça donnait un cadre un peu strict. J'avais envie d'être surpris par ce titre-là, et en fait, passer la surprise de la forme, moi, ça m'accroche pas tout à fait, dans le sens où pour moi, ça raconte quand même pas grand-chose. Et j'ai un peu rushé la fin parce que je m'ennuyais, en fait, à partir du moment où. Où on est dans ces histoires de, il y a des négociations notamment qui durent assez longtemps. Il finit par avoir son gamin. Enfin bref. Et j'ai beaucoup de mal avec ce titre, et ça fait partie des titres que j'avais envie d'aimer. Je l'ai attaqué d'abord en PDF. Puisque j'avais eu accès à des PDF promotionnels de la part de Urban, et donc c'est pratique pour lire dans le train avec ta tablette. J'étais déjà pas allé au bout une première fois, je l'ai emmené en vacances ce truc là pour le relire, et j'étais passé à côté. J'ai fini par me dire, parce que des fois ça me fait ça avec les PDF, que c'est le format qui était pas adapté, donc je suis allé le racheter chez mon libraire de proximité et non pas chez les GAFA du livre, et j'arrive pas, en fait. Enfin, ça me fait pas, ça marche pas. Alors est-ce que c'est parce que je suis plus déprimé que le héros? Alors j'ai envie à chaque fois de lui dire, écoute, tes petits problèmes, hein, ça me... Bon, mais j'avais envie de l'aimer, mais désolé, mon petit Mister Miracle, ça n'a pas pris. Tu as lu Omega Men ou pas, de Tom King aussi? Non, okay. Pas du tout. Non, j'ai lu son Batman, jusqu'au mariage de Batman. C'est quoi, Les Seigneurs de Bagdad, l'autre? Sheriff of Babylon, voilà. Pareil, que j'ai survolé, dans lequel je rentre pas du tout. Et voilà. Mais c'est peut-être Tom King avec lequel j'ai un problème. Tom King, il a une écriture très très particulière, notamment au niveau des dialogues. Moi, j'ai détesté au début Tom King quand il a repris la série Batman, justement. On voit Bane assez vite, je crois que c'est dans le tome 2 ou le tome 3. Dans le 2. Voilà, en France. Et j'avais détesté. En fait, ces dialogues, c'est surtout ça que j'aimais pas. Bane, qui est censé être très très intelligent et qui est aussi très intelligent dans sa version dans la vraie vie. À Tom King. Ah non, pardon. De quoi ? Dans la vraie vie. Dans la vraie vie, c'est ça ? Non, non, mais là, ces dialogues sont écrits. En fait, Tom King adore les répétitions. Et du coup, tous ces personnages en Batman, et notamment les super-vilains, et notamment Bane, passent pour des gros neuneux à toujours répéter la même chose. Il fait ça pour donner une intensité dramatique ou pour appuyer les symboles et tout. Mais je trouve ça d'une lourdeur incroyable. Enfin, ça m'a. Bah, même Batman, dans ce tome-là, il passe quand même chaque page, il dit Bane, je vais te péter le dos à chaque page. Oui, c'est ça. Et du coup, j'ai détesté Tom King pour ça au début, parce que je trouvais ces dialogues très mal écrits, complètement cons, et ça rendait les personnages neuneux au possible. Et juste mettre des dialogues pour mettre des dialogues, alors que c'était toujours la même chose. Voilà, donc j'ai mis du temps. Et puis est arrivée une histoire, je ne vais pas dire de bêtises, c'est un numéro dans la série Batman où en fait Batman, enfin plutôt Bruce Wayne, Selina Kyle, Clark Kent et Lois Lane se retrouvent dans une fête foraine. Oui. Et j'ai adoré cette histoire qui est pourtant de Tom King aussi, et à partir de là je me suis un peu réconcilié avec l'auteur. Toute la suite de Soren, est-ce que ça viendrait pas plutôt de ta passion pour les fêtes foraines? C'est possible, c'est peut-être est-ce que ça t'a pas influencé? Ouais, peut-être hein, c'est... merci, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas entendu et je suis bien content qu'on t'ait entendu pour dire ça. Je me suis dit ouais, tant qu'à faire d'intervenir je vais dire un truc pertinent, bon voilà quoi. Merci beaucoup. Donc voilà, et j'ai bien aimé après la suite du run de Batman de Tom King, et je me suis dit tiens, allons lire un peu ce qu'il fait à droite et à gauche. Et Mr. Miracle, c'est un peu le même, enfin c'est exactement le même délire. Il est fidèle à son style d'écriture, et notamment au niveau des dialogues c'est assez spécial, mais j'ai trouvé ça un peu moins lourd que dans Batman, et surtout là je trouvais que ça avait plus de sens que dans Batman, et un côté un peu décalé, assez second degré, où en fait Mr. Miracle parle à sa femme de trucs du quotidien, on va dire, pendant qu'ils font des grosses bastons sur une planète de néo-dieux. Et t'as tout un décalage entre ce qui se passe et ce qu'ils disent. Et autant ce qui se passe que ce qu'ils disent sont intéressants, c'est juste que ça n'a tellement rien à voir que c'est complètement what the fuck quoi. Pour moi ça résonne à l'envers, puisqu'il y a un truc, je n'arrive pas à retrouver, c'est un truc, alors, si vous retrouvez la source de ça, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires. Il y a une BD de Gottlieb qui parle justement des super-héros comme des culturistes avec des dialogues qui veulent rien dire. Et les pages de Gottlieb, quand il parle des super-héros comme ça, et ben c'est que les mecs en train de faire des poses de culturistes avec leurs gros muscles à dire ça va tes gosses, ah oui ça va, faut que j'aille faire les courses. Et du coup quand je suis tombé là-dessus dans Mr. Miracle, je suis retombé sur les pages de Gottlieb, et donc je suis dans le décalage humoristique. Ça me fait pas du tout le même effet que ça a pu produire sur toi en fait. Ouais, tu m'as étonné entre guillemets, parce qu'effectivement il y a des trucs qui t'ont fait rire dans Mr. Miracle, tu disais. Je l'ai pas du tout pris comme ça moi pour ma part. C'est un bouquin, et ça je fais ça assez rarement quand je lis des bouquins d'une manière générale. Je mets toujours plusieurs jours à les lire, et celui-là en fait j'ai tellement accroché au début que je l'ai enchaîné d'un coup et que je l'ai lu en entier dans la soirée. C'est peut-être pour ça que j'ai moins ressenti ce que tu disais, que ça devenait un peu long sur la fin à partir du moment où il a un gosse et tout. Je l'ai pas trop ressenti, peut-être parce que j'ai enchaîné les pages, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis d'accord avec toi pour dire que c'est déroutant. Je m'attendais pas à ça en ouvrant le bouquin, je connaissais pas du tout l'histoire en fait. Mais effectivement, c'est ça, c'est Mr. Miracle qui vient de faire une tentative de suicide et qui est complètement dépressif. Et tout le thème du bouquin, c'est la dépression. Et j'ai trouvé ça hyper malin, hyper bien écrit, parce que il a pas forcément de quoi être dépressif, dans le sens où il a sa femme, il va avoir son gosse et tout, et il se demande pourquoi il est comme ça en fait. Et j'ai trouvé ça hyper hyper vrai et hyper réel et crédible en fait, et bien bien écrit, bien amené dans les dialogues, c'est assez profond et viscéral en fait au niveau des émotions, et ça m'a assez bouleversé en fait. Et pour un bouquin de DC en fait, avec un super héros DC, arriver à me faire avec un dieu DC, même un dieu DC, faire, ouais, faire un truc aussi terre à terre avec un dieu, ça. C'est... exactement t'as tous ces espèces de parallèles et de d'oxymores qui sont super cool. Et j'ai pas versé ma petite larme, mais j'avoue que j'ai été un peu secoué en lisant ce bouquin, et du coup j'ai trouvé ça d'autant plus admirable effectivement que ce soit avec un personnage, un super héros DC Comics, quoi. Donc, tu vois, ça me fâche de passer à côté de ce livre. À chaque fois que j'entends les gens en parler, les gens qui ont aimé, ça me donne envie de... je vais réessayer une quatrième fois. Après, pas tout de suite. Effectivement, c'est particulier au niveau des dessins, c'est particulier au niveau de la narration. J'aime beaucoup les dessins pour le coup. Les dessins sont top, mais c'est normal que ce bouquin divise, parce que effectivement, c'est déroutant. Encore une fois, c'est vraiment vraiment déroutant, quoi. Voilà. Moi, j'avais pas lu le Batman de Tom King. J'ai lu Omega Men, que j'avais trouvé un peu pompeux et un peu dur à appréhender. Enfin, j'avais pas tout le background et tout, et j'avais pas forcément accroché. Ouais, Omega Men, c'est costaud. Ouais, c'est assez avec c'est Al Jordan, non, c'est Al Jordan, c'est Kyle Rayner qui est prisonnier, et enfin bon, il y a tout un truc enfin qui j'avais eu du mal à capter en fait, et j'avais eu du mal à rentrer dedans. Ça restait sur la guerre, Mister Miracle. Enfin, moi j'ai trouvé ça vachement bien aussi, mais bref. J'ai pas trop accroché. Mister Miracle, pour le coup, c'est vraiment ça. Ouais, c'est on parlait tout à l'heure de l'incursion du fantastique dans le quotidien. Là, c'est genre l'incursion du quotidien dans la vie d'un type dont le quotidien c'est de se battre avec des dieux sur une autre planète. Tu vois, c'est pas du tout ton quotidien à toi. Qu'est-ce que t'en sais? Comment? Qu'est-ce que t'en sais? Si vous qui nous écoutez, votre quotidien c'est de vous foutre sur la tronche avec des dieux sur d'autres planètes, laissez un message en commentaire. Écoute, ça nous fera plaisir. Je trouve que c'est moi, ça m'a fait marrer. Enfin, si, ouais, toutes les parties avec son gamin et tout, je trouvais ça assez marrant, justement, qui genre à 9h faut changer la couche, mais à 10h faut aller négocier avec Darkseid. Tu vois, je trouvais ça un peu, enfin, pour résumer le truc, c'est un peu comme ça que ça se passe, et je trouvais ça plutôt marrant. Après, ouais, il y a, c'est pas vraiment des longueurs, mais il y a beaucoup, c'est quand même assez assez bavard et un peu verbeux, quoi. On voit que voilà, des fois il en rajoute un peu gratos, on va dire. Mais c'est plutôt chouette. Sincèrement, je pense que c'est le truc qui mérite de toute façon une deuxième lecture. Je ne l'ai pas relu depuis ma première lecture, mais je pense qu'il faudrait que je le relise, parce qu'il y a sûrement des trucs à côté desquels je suis passé. Parce qu'il y a vraiment, enfin, il y a quand même une certaine richesse dans les détails, dans le. Donc c'est un gros morceau, c'est une grosse lecture. C'est clairement pas un truc à prendre pour commencer. Si t'as jamais lu de comics, c'est clairement pas un truc à lire. Mais moi j'avais plutôt bien aimé, ouais. Faudrait que je le relise, parce que je me souviens pas de tout, mais j'avais plutôt bien aimé Mister Miracle. Bref, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec nous, vous qui nous écoutez. D'ailleurs, on peut parler de tout ça sur les réseaux sociaux, les nôtres ou ceux de l'émission, puisque nous sommes aussi sur Facebook et sur Twitter. D'ailleurs, avant d'aller plus loin dans ce podcast, je vous rappelle que l'Estaminerd compte sur vous, et oui! Parce que le podcast est dispo sur Spotify, sur Deezer, sur iTunes, sur Podcast Addict, sur Google Podcast, et qu'on a besoin de vous pour mettre des... bonnes notes, des étoiles, pouces rouges, des commentaires. Non mais les pouces rouges, ça nous va pareil, puisque c'est de l'interaction, ça marchera. Les 5 étoiles, c'est vrai. Des commentaires, des notes. N'hésitez pas à soutenir notre petit podcast qui ne demande que ça. On n'est pas sur Ulule, nous, on n'est pas là pour vous taper votre argent. Juste, on va vous prendre un peu de temps et quelques griefs, quelques commentaires. Ah, et si vous avez quelques battes en trop parce que vous utilisez Brave avec le programme Brave Récompense, et que vous avez compris comment fonctionnait le calcul des récompenses et les rétributions, n'hésitez pas à venir lâcher quelques battes. Ça fait toujours plaisir pour servir des cocktails à l'Estaminerd. Ça aidera à payer les factures, parce que le tavernier commence à faire la gueule quand il voit les additions continuer à augmenter. Ouais, les battes, elles sont sur vos ardoises pour payer ce que vous consommez, messieurs. Évidemment. D'ailleurs, on fait des... Ouais, c'est pas une ardoise, c'est un tableau noir, hein, je te dis tout de suite. Donc c'est une ardoise. J'ai cherché le truc, c'est une ardoise en fait. Bah, c'est une grande ardoise, un tableau, quoi, tu vois. Genre, une ardoise, c'est genre pour écrire avec ton stylo, qu'un tableau, c'est genre un tableau dans une... Il dit que c'est très grand. Bref, quoi. Passons à la suite maintenant. Sans transition. J'aimerais savoir quelles sont vos rencontres people les plus marquantes ou inspirantes. Qui sont les gens que vous avez rencontrés et où vous êtes... ça vous a... tout. C'est notre quiz. Parce que Valentin n'avait pas préparé de quiz, donc c'est le quiz people. Quels sont les. Voilà. Je vais commencer par deux trucs qui me viennent à l'esprit et je vais pas répondre à ta question. Très bien. J'ai rencontré deux célébrités dont je ne me souviens absolument pas quand j'étais tout petit. Jamy Gourmaud de Jamy et Fred. Oh, c'est excellent. Qui m'a croisé. En fait, j'avais une petite tête. Et qui t'a reconnu? Absolument. Non, mais en fait, j'avais une espèce de tête de hibou quand j'étais gamin avec de grosses lunettes rondes et des cheveux, des grosses bouclettes blondes. Et du coup, en fait, tout le monde se retournait un peu vers moi pour dire oh, qu'il est mignon ce petit enfant. Et apparemment, c'était le cas de Jamy qui se promenait avec sa famille. Et c'est mes parents qui m'ont raconté ça, mais je m'en souviens pas. Et pareil, apparemment, avec Dustin Hoffman. Mais ça, faudrait que je redemande à mes parents. Dustin Hoffman qui marchait apparemment dans Paris et qui m'aurait regardé de lui. Valentin, 6 ans, spoté par Dustin Hoffman. Quoi. qui m'aurait fait coucou de la main. Il faut que je redemande ce truc-là. Valentin, tu lui demandes sa rencontre la plus inspirante. Il dit ouais, je sais pas. Tu poses une question à Dustin Hoffman. Le mec dit ouais, il y a un petit gamin que j'avais vu dans Paris avec une tête de hibou qui était quand même hyper mignon. Voilà, et donc du coup, je vais réfléchir maintenant à des vraies rencontres dont je me souviens. Je vous laisse parler en attendant. alors les rencontres marquantes et un peu incongrues, en fait, j'en ai déjà parlé dans ce podcast. Il y a la rencontre avec Gad Elmaleh au détour d'un ascenseur dans les locaux de Fun Radio. C'était assez improbable et c'était assez rigolo. C'est là où il te fait rentrer, il t'incruste à Fun Radio. Exactement, ouais. Et où au moment de rentrer dans l'ascenseur avec lui pour aller rejoindre l'émission d'Arthur, alors qu'on venait déposer un projet musical pour la sécurité routière, on s'est fait interpeller par une nana qui nous a dit « Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez rien à faire ici. » Et Gad Elmaleh est rentré dans l'ascenseur après. C'était assez particulier comme moment. Après, en rencontre vraiment marquante que je l'ai percuté après coup, c'est l'interview et la rencontre avec Paul Dini à la PCE. Et en plus, je l'ai noté aussi, tu vois. Je suis en train de noter. J'étais avec Val. C'était fort. Sur le moment, j'étais vraiment dans le truc et j'ai kiffé le moment. Et après coup, c'était d'autant plus fort. Je me suis dit putain, c'était Paul Dini quoi. Et en plus, l'interview était très très cool. Pour remettre Paul dans Dini, le contexte, qui est un scénariste. Pour ceux qui n'ont pas la couleur, voilà. C'est le scénariste de comics et notamment de la série animée Batman aussi des années 90. Et juste pour remettre dans le contexte, l'interview est disponible sur le site lescomics.fr, j'imagine. Vous tapez sur la chaîne Paul YouTube, Dini. Ouais. Voilà. Ouais. Et pour remettre dans le contexte, en fait, on parlait notamment, il venait de sortir son bouquin The Dark Knight, une histoire vraie, ou qui est semi-autobiographique, où il raconte qu'il s'est fait agresser et les conséquences de son agression sur lui et tout ça. Et donc il a parlé de ça dans son interview et il était, c'était en fin de journée il me semble, et puis tu sentais que le mec était un peu fatigué et donc du coup les émotions se sont un peu décuplées et puis bah il était pas très bien en nous racontant le contexte de cette histoire là quoi, et c'était assez il y avait quelque chose dans la pièce quoi, c'était assez ouais, assez particulier ouais. comme atmosphère. Mais ouais, c'était très touchant ouais. Et puis le mec est vraiment, il a l'air gentil comme tout, il a l'air enfin il était avenant, il n'hésitait pas quand Yanda lui disait bah j'ai encore une autre question si ça vous va, le mec était en mode ouais bien sûr allez-y et tout, enfin c'était le gars a l'air chouette comme tout et l'atmosphère de cette interview là était particulière ouais. Ah si, et dans un autre contexte j'y repense, c'est pas du tout comics. Avec tes potes, du coup, c'était il y a longtemps, on a cassé les couilles à Bruno Solo en boîte. Putain, mais c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut comme histoire, Yanda. Tu vois, j'étais en train de réfléchir, vraiment réfléchir, mais si, il y avait ça. C'était, alors je sais même plus pourquoi il était sur Bordeaux à ce moment-là. Et du coup, on s'était retrouvé en boîte et lui était là. Et on était allé lui casser les couilles. Mais alors, le pauvre, je pense que. Je sais pas s'il s'en souvient encore, parce que bon, il a quand même dû croiser pas mal de trucs. Mais ça se voyait, je m'en souviendrai toujours. C'est à la fin de l'os, parce qu'on allait le voir en fait toutes les deux minutes. Eh, Bruno Solo, ouais! Ah putain, l'enfer. Ouais, vraiment, l'enfer sur terre. Et ça se voyait qu'il répondait, enfin voilà, il faisait des petits sourires, il hochait de la tête et tout. Mais ça se voyait que vraiment. C'était relou quoi, c'était vraiment infernal et tu le fais une fois, deux fois, trois fois mais c'était une époque où Non, non, il s'est pas vénère. Non, non, il est resté vraiment très correct parce que, bah voilà, je pense qu'il avait vu qu'on était, on était bien chaud. Plus non, armé, armé. Il a vu qu'on était armé, donc il était poli. et puis mais non, c'est surtout que je pense que voilà, il avait il était lui pour le coup alors soit complètement défait et puis du coup ça lui passait un peu plus au dessus facilement ou alors il disait enfin clairement il disait que ça ne servait à rien mais ouais on lui avait vraiment vraiment cassé les couilles parce que c'était l'époque où on était vraiment très con avec mes potes c'était l'époque où les premiers forfaits illimités arrivaient en France. Les forfaits Millennium, pour ceux qui se souviennent. Et du coup, en fait, nos grands jeux à nous, c'était de s'appeler entre nous, très tard le soir, ou très tôt le matin, ça dépend. Et on faisait ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc on était le genre de personne, à partir du moment où tu le fais une fois, on va pas le faire une fois, on va le faire 200 fois. Et donc là, en l'occurrence, dans la soirée, on n'est pas allé voir Bruno Solo une ou deux fois pour lui faire « Hey Bruno Solo !» On a dû aller le voir peut-être 20 ou 30 fois. Et dès qu'on le croisait du regard dans la boîte, on se disait « Hey Bruno Solo !» Voilà, donc c'était infernal. Et c'était très très drôle, avec le recul du coup, parce que je pense que ça doit être 600 pas parti. Pourquoi il est... Je sais pas. Franchement, après, le souvenir que j'en ai, il y a quelques années qui ont passé... Il voulait serrer. Peut-être qu'il est parti. Peut-être qu'il est parti après, je m'en souviens plus. Mais je me souviens qu'on lui a vraiment cassé les couilles. Parce que voilà, on l'a fait un sacré paquet de fois. Alors après, peut-être qu'il, peut-être qu'il est parti au final et que moi, je m'en souviens plus et que je suis resté sur la fin de soirée. Mais... Voilà, une chose est sûre, on lui a vraiment cassé les noix, le pauvre. D'ailleurs, Bruno Solo, terrible, si tu nous écoutes ce soir... C'est pour le mec que vous avez pris pour Bruno Solo toute la soirée. Ça, c'est vraiment dur. Non, pour le coup, c'était vraiment lui, c'est sûr. Moi, j'ai pas mal de rencontres, j'en ai au moins 4 à raconter, dont une pour faire plaisir à Matt, parce qu'il va dire que c'est grâce à lui, donc il faut absolument que je la raconte. Dans les rencontres un peu what the fuck, une des premières rencontres que j'ai faites en salon avec mon frère... On va à un salon qui s'appelle Migen Collector, qui est notamment dédié aux figurines. Là, donc c'est Migen, c'est situé entre, je crois que c'est la ligne, on était en train, je crois que c'est la ligne entre Paris et Dijon, voilà, si vous aimez la géographie. Et parmi les invités de ce salon, qui est somme toute un petit salon, mais très sympathique, avec une bonne ambiance et tout, il y avait Alison Hardgrim, et Alison Hardgrim, elle jouait Nelly Olson dans La Petite Maison dans la Prairie. Vous savez, la méchante petite blonde. Voilà, et donc on a fait une photo avec Nelly Olson, très très très sympa d'ailleurs, Alison Hardgrim. Bon après voilà, petit salon très familial et tout, donc ça c'était une rencontre un peu what the fuck. Je m'attendais pas forcément à faire une photo avec Nelly Olson dans ma vie. Sinon la plus grosse... T'étais en costume en carton, parce que c'est l'époque de Arrête mon gueule va tirer ou... Ouais, non tout à fait, absolument pas, non, on était en propre. Tenue standard. Voilà, on était standard, propre, normal. Quoi, voilà. Et sinon, la première grosse rencontre que j'ai faite en salon comme ça, c'est Marcus, évidemment. Histoire assez what the fuck hein, aussi, parce que on postait un peu, on spammait un peu Arrête mon Givatia à droite à gauche, et donc dans mes grosses références, moi, de créateur avec de gros guillemets, il y a Game One, évidemment, les premières années de Game One. Moi, j'ai grandi devant Game One, et évidemment, il y avait Marcus, et donc on spammait nos vidéos un peu partout, et on en avait envoyé une à Marcus. De mémoire, c'était celle sur Evil Dead, c'est une des toutes premières vidéos d'Arrête ton Guy va tirer, hein, c'est genre la 4e ou la 5e. Et sous cette vidéo, Marcus nous met un commentaire, il met: les gars, est-ce que vous avez un mail et tout pour qu'on discute? Donc déjà, là, tu te dis où est-ce qu'on est, quoi, parce que nous, on est en train de se filmer comme des cons. J'avais l'épisode de Evil Dead, on a tourné avec une tronçonneuse qu'un pote m'a prêtée, elle était dégueulasse, dégueulasse, pleine d'huile, de tout ce que tu veux. Je l'avais stockée dans ma baignoire, je savais pas où la mettre, j'avais posé la tronçonneuse dans ma baignoire pendant 2 ou 3 jours, c'était une catastrophe. Et donc, on échange un peu par mail avec Marcus, et il nous dit: bah écoutez, dans 15 jours, je sais plus, 15 jours, 3 semaines, c'est la Paris Games Week, venez me voir sur mon stand à la Paris Games Week, on discutera et tout. Donc là, tu te dis, mais puissance 1000, what the fuck, parce que déjà, le fait qu'on échange par mail me semblait complètement surréaliste. Et on arrive donc à la Paris Games Week, et nous, comme des fleurs, on arrive sur le stand de Marcus, on discute avec un mec du staff, et on dit: ouais, bah, Marcus nous a dit de venir le voir. Et donc là, le mec te fait: ouais, d'accord, c'est ça, ouais, ok, c'est ça. Et sauf que là, Marcus arrive et dit: ah, si, si, c'est vrai et tout. Et donc, on s'est retrouvé en loge à manger du savane avec Marcus. Véridique. Voilà, et donc, voilà, depuis, on s'est recroisé pas mal de fois et tout, et Et donc ça, c'est une vraie chouette rencontre, tu vois, pour l'ado qui avait grandi devant Level 1, et en plus totalement improvisée et gratuite, quoi, parce que j'ai pas été mis en contact avec, tu vois, c'est pas un jeu de relation quoi que ce soit, c'est vraiment la gentillesse légendaire, ça je peux le confirmer, parce que je l'ai vu plusieurs fois en salon, il signe des autographes, c'est un vrai Terminator, il ne mange pas, il ne fait pas pipi, Marcus, c'est une vraie machine, et il est gentil avec tout le monde, il voit passer 300 personnes, et il est gentil avec les 300 personnes, et a posteriori, il se moque, tu sais, des fois, tu pourrais te dire, ah, il y a des fois, il doit avoir des mecs tellement relous derrière, et même pas. Des fois, il voit des mecs super relous et il est quand même content de les voir et jamais il se moque de personne, jamais il a une pensée négative sur tous les gens qui viennent le voir. Et ça, c'est vraiment impressionnant, sincèrement. Donc ça, c'est une vraie chouette rencontre. Et la deuxième, évidemment, incroyable rencontre liée à Game One, c'est ma rencontre avec El Didou. Moi, j'étais un gros fan d'une émission qui s'appelait Dawa sur Game One. Et Didou, c'était un peu un de mes modèles, tu vois, en matière d'animation, parce que c'était un connard fini avec les gens. Il y avait un jeu. Si vous cherchez Dawa sur YouTube, vous allez retrouver des vieilles émissions. Et genre, il y avait des jeux pour gagner, par exemple, une PS2. À l'époque, c'était la sortie de la PS2. Le mec donnait la bonne réponse et il disait non, mais toi, en fait, je t'aime pas, donc t'en auras pas. Et à l'inverse, il y avait des mecs qui donnaient une mauvaise réponse et ils disaient bah toi t'es sympa donc t'as pas bien répondu mais tu vas quand même gagner une PS2. Voilà, c'était ce côté complètement incontrôlable de l'émission, moi me fascinait. Impossible à refaire aujourd'hui. En fait, le type faisait ce qu'on fait aujourd'hui sur Twitch. Tu vois, toi, tu peux ouvrir un Twitch et raconter ce que tu veux pendant 2 heures. Mais le mec faisait ça à la télé. Il avait, je sais pas, Dawa, ça durait 1 heure ou 2. Et pendant 2 heures, il faisait ce qu'il voulait. Et il était évidemment complètement monstrueux. Avant ça, il avait fait le courrier des lecteurs, enfin, le courrier des spectateurs, plutôt, sur Game One. Et pareil, il y a des scènes surréalistes où il répond à des courriers, à des vrais courriers. Hein, et c'est surréaliste. Et donc, Didou, c'est un gars qui, depuis son départ de Game One, c'était plus ou moins retiré de la vie publique, comme on dit, c'est-à-dire qu'il animait plus de, il animait plus d'émissions, tout ça. Et Matt a réussi à le faire venir à une conférence sur Player One, pour les 25 ans de Player One, c'est ça, je crois, c'est, il me semble. Non, c'était les 20 ans de la, 30 ans de la naissance et 20 ans de la mort du magazine. Ah pardon, ouais, c'était un anniversaire de mort et de naissance du coup, j'avais fait la moyenne, 25, à Geek Life l'année dernière au Mans, et donc il y avait lui, il y avait Cyril Drevet et il y avait Matt Murdock de Player One, et du coup j'ai pu rencontrer Didou en vrai, et discuter avec Didou en vrai, et c'était vraiment un kiff là d'ado énorme quoi, alors que ça peut paraître idiot comme un des mortels, parce que... Et pour le coup il est vraiment sympa personne, en off, mais il nous a bien cassé les couilles pendant la conférence, il a vraiment fait du Didou, voilà, quoi. Dans la conférence, quoi. Le type est dès qu'il y a un micro, en fait, le gars devient invivable et hyper désagréable. Mais c'est très très, et tout le monde n'attend que ça en vrai. Ah oui. Enfin, je veux dire, c'est le mec vient, enfin, tu le fais venir pour ça. Et comme je lui ai dit, c'est vraiment dommage qu'il ne fasse rien aujourd'hui en public. Je pense que enfin, ça l'emmerde. Voilà, lui, il a pas envie d'être starifié et tout. Enfin, c'est quelqu'un d'assez assez discret, quoi, je pense. Mais le gars a vraiment un talent d'animateur qui est énorme parce qu'il est horrible, il dit des choses horribles, mais tout le monde n'attend que ça, donc ça fonctionne hyper bien. Voilà. Et donc merci Matt pour cette belle rencontre, parce que c'était grâce à toi. Voilà, je voulais envoyer votre amour à Matt. Et ma dernière rencontre que je dois raconter quand même, c'est Lloyd Kaufman. Lloyd Kaufman, qui est le créateur de Trauma, qui est un studio américain qui produit des films de série Z, on peut le dire franchement, à petit budget avec des effets spéciaux souvent un peu what the fuck. Notamment parmi les trucs les plus connus, il y a Toxic Avenger, il y a Troméo et Juliette. Bref. Et donc Lloyd Kaufman passe au cinéma L'Omnia, un très chouette cinéma à Rouen. Il faisait une tournée en France. Mon frère l'a suivi sur plusieurs dates. Il a été le voir à Bordeaux, je crois d'ailleurs. Il a été le voir à Rouen. Il a été le voir sur Paris. Bon, et moi je vais avec lui pour la date à Rouen pour la diffusion pour l'anniversaire de Toxic Avenger. Et Lloyd Kaufman, qui parle un excellent français parce qu'il était dans une école française apparemment, donc le gars parle extrêmement bien français. Et faut quand même le voir, hein, c'est un petit monsieur qui a pas loin de 70 ans, je crois, qui arrive en costard, mais c'est un vieux costume un peu défraîchi et tout, et qui paye pas de mine, mais qui est complètement barré, quoi. Et arrive l'étape des questions, des questions du public, quoi. Et un type un peu lourd lui pose plusieurs questions, des questions un peu chiantes, quoi. Tout le monde rigolait, en fait, un peu gêné dans la salle. Et il finit par lui dire « Bon, il y a quand même beaucoup de gens qui trouvent que vos films sont pas terribles et tout. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Une question pas du tout intéressante, en plus. Et lui a cette réponse qui est devenue l'une de mes philosophies de vie, sincèrement. Il sort au gars comme ça. « Vous savez, j'entends les critiques, mais je m'en fous. » Voilà. Je trouve que c'est la meilleure réponse qu'on puisse faire. Et Lloyd Kaufman, vraiment, a une rencontre énorme. Et un type excellent, quoi. Extrêmement drôle. Je m'en étouffe tellement il est rigolo. j'ai failli perdre la vie dans ce podcast. Lloyd Kaufman m'a tué vert. Ouais, et non, vraiment, ouais, c'était très chouette rencontre aussi. Et pareil, que je pensais pas forcément avoir un jour, parce que je regardais les films Trauma depuis ado, tu vois. Et tu t'attends pas forcément à avoir la chance un jour de croiser Lloyd Kaufman en vrai. Donc, ouais, des chouettes rencontres quand même. Et puis vous, grâce à Comics Rise, parce que si je n'avais pas fait Comics Rise, je ne vous aurais jamais rencontré. Ah. Tu te rends compte ? On serait pas là. Non, mais c'est vrai, en vrai, ça tient à rien. On va parler peut-être des réseaux sociaux tout à l'heure, mais y a pas que du mauvais aussi à tout ça. Des fois, on rencontre aussi des gens sympas. Ou qui deviennent vos amis par intérêt, je ne sais pas. Parce que bon, c'est quand on a plein d'abonnés comme moi, on ne sait jamais vraiment quelle est la motivation des gens. Bah, surtout quand t'as un vrai fond de connard, oui, c'est sûr que il faut plutôt te supporter pour ta fanbase. Bah, ça doit être pour ça, je crois. Vas-y, moi, Matt, ouais, je sens que tu meurs d'envie d'y aller. Là. J'ai profité de mes premières émissions de radio en tant qu'animateur pour tout de suite placer dedans des interviews d'artistes et tout de suite aller essayer de placer des interviews de gens que j'aimais bien ou que je suivais depuis longtemps ou ce genre de trucs. Ma première interview un peu People What The Fuck, c'est Corbier, où je vais voir Corbier chez lui, Corbier du Club Dorothée, évidemment. Ah oui, pas Corbier, jugé flic, du coup. Non, un autre. Et du coup ça passe, oui, ça marche bien, mais je suis pas plus fan que ça. Et puis pour ma suivante, la deuxième année, je commence à prendre des gens que vraiment j'ai poncé, j'ai écouté et tout, et je me dis vas-y, il y a une actu sur Richard Gottener, j'appelle Richard Gottener. Et du coup, je tombe sur son répondeur, machin, je laisse un message, deux messages, puis je me dis, bon, je fais une émission de radio dans ma chambre qui passe sur 15 radios associatives, ça intéressera personne. Et puis, j'ai un message sur mon répondeur, et c'est l'été 2007, et je me souviens de ce message. Et il me dit, salut Matt, c'est Richard Gottener dans les écouteurs, réponse tardive, mais réponse positive, rendez-vous vendredi, et donc je vais chez lui. Et je la retrouve chez Richard Gottener, qui est un mec, vous en faites ce que vous voulez, hein, mais c'est comme Chantal Goya pour plein de gens, tu vois, c'est vraiment l'artiste que j'écoutais quand j'étais petit et tout, et pour moi c'était hyper important, quoi. Et en plus c'est un mec qui est installé, c'est un mec qui a malgré tout qui a une grosse carrière, qui a fait plein de trucs, et qui pourrait être blasé de tout ça, quoi. Et le fait que l'interview se passe bien, qu'il s'amuse, qu'on reste un peu après, tu vois, Corbier, bon, après l'interview, il m'a un peu foutu dehors, quoi, parce qu'il avait autre chose à foutre. Ouais, il faut dire que t'étais en slip dans son canapé, quoi. et je buvais ses bières. Donc, non, Gottener, ça se passe bien, et du coup, j'avais gardé son numéro, et j'avais profité pour faire deux, trois autres trucs. Je recevais des groupes en live sur une web radio qui s'appelle La Grosse Radio, et par exemple, j'avais appris que le batteur de ce groupe de métal était fan de Gottener, donc pendant l'émission, on passe un coup de fil à Gottener qui dit au mec, ouais bah Francky, ça me fait plaisir que tu suives ma carrière et tout, et l'autre il était fou, il était refait, quoi. Et voilà, et j'ai pu, voilà, rencontrer plein d'artistes que j'aime bien. J'avais fait venir les Zwinkels pareil à La Grosse Radio, et on leur faisait faire des épreuves en live, donc j'ai chanté Respect d'Alliance Ethnique avec les Zwinkels, par exemple, au lieu de chanter des chansons de Peura à boire. Et puis ma petite grosse fierté, c'est le mec de Stupéflip, puisque King Ju, il y a eu un gros trou de Stupéflip après 2005, il sortait plus du tout d'album, et moi j'avais continué à suivre le truc et à essayer de gratter des interviews avec lui et ce genre de choses. Pour des webzines, pour plein de choses. Et à un moment, il fait un pour la tournée du troisième album, il fait un concert à Angers avec les excellents Andreas et Nicolas en première partie, qui est le projet Variétoche de Ultra Vomi, merci. Donc je vais à ce concert, je connaissais un peu le staff de Andreas et Nicolas, donc je passe un bout de soirée en loge avec les mecs de Andreas et Nicolas, et je vois que les mecs étaient un peu, il y en a un des deux qui était un peu, ouais putain, il y a King Ju à côté, le mec de Stupéflip et tout, et c'était un peu, il était un peu en mode fan, tu vois. Et donc je dis, bah vas-y, on va faire un tour autour des loges, quoi. Et en fait on traîne autour des loges, machin, on croise King Ju qui était sans son masque, donc quoi, King Ju sans masque, je l'ai vu, tu vois, ça fait partie des, yes, des mythes et tout du truc. Et du coup on discute deux minutes, et en fait King Ju il sait qui je suis, Il me dit, ah bah ouais, ouais, c'est cool. Puis les interviews que t'avais fait pour tel site et tout, machin, putain, t'avais bien suivi le truc et tout. Et en fait, c'est vrai que j'avais plutôt fait des interviews, genre une interview par an, mais à chaque fois, je changeais de projet, quoi. Donc, un coup pour Radio Béton, un coup pour Fadjet, un coup pour un webzine, un coup pour plein de trucs. Et voilà. Et donc, t'as King Juice en son masque qui te dit, ah bah ouais, je sais qui t'es, c'est cool, merci et tout. On discute un peu. Stylé. Et j'étais trop content, j'étais trop content. J'étais refait comme un enfant, tu vois. Et là, j'en reparle et je suis re-trop content, en fait. Donc, voilà, c'est des petits, petits plaisirs de fans. J'ai rencontré. Les mecs que j'écoutais quand j'étais petit. Et je fais Nada Surf en interview, et c'était pas bien, par exemple, enfin, plein de trucs comme ça. Parce que c'était pas cool. Parce que eux, ils étaient pas cool ? Ouais, ouais, ouais, ouais. Enfin, après, j'étais peut-être pas dedans non plus, mais enfin, le mec était pas. J'avais pas envie de faire des interviews. Enfin, j'ai pas le. Je me sentais pas avoir le niveau pour parler un peu technique, musique avec les gens et tout. Donc, je faisais plutôt des interviews un peu rigolotes, à la con, à essayer de sortir des trucs un peu nouveaux et ce genre de choses. Et. T'as vachement évolué quand même quand on voit cette émission aujourd'hui. Exactement. Je veux dire, t'es devenu vachement plus mature et tout. Bah, Matt, ça vient de là, Matt. Ouais, c'est ça. Ah. Et du coup, non, bah, le mec, ça le faisait pas rire. Le mec, il était vraiment en promo, et voilà. Et Nada Surf, il y avait un truc hyper intéressant là-dessus. C'est-à-dire que moi, je défendais les artistes indépendants, ce genre de choses. Nada Surf, c'est quand même un groupe qui tourne un peu, qui fait de la radio, qui gagne un peu d'argent. C'est un groupe autoproduit. Ils ont récupéré, après leur premier album, ils ont récupéré leur contrat, et ils ont produit leurs albums eux-mêmes. Ils se sont démerdés pour faire leur distrib et tout. Et donc, techniquement, c'est un groupe autoproduit. Et c'est intéressant d'avoir un groupe international comme ça, autoprod. Voilà. Après, je fais plein de trucs un peu rigolos. Je fais Massisteria en interview. Je sais pas si vous voyez un peu le guitariste de Massisteria, qui était une grosse masse à l'époque. Et il sortait un nouvel album. Je crois que c'est une somme de détails, l'album à l'époque, pour lequel j'ai vu en interview. Et leur album précédent était pas fifou. Et je dis au mec, votre album précédent est loin d'avoir fait l'unanimité. Quand on est en studio et qu'on enregistre de la merde, est-ce qu'on s'en rend compte? Et le mec est genre massif, tu vois, et ça le fait juste pas rire. Et le chanteur Mousse, ça le fait un peu marrer, mais l'autre moins. Et voilà, et on fait des trucs rigolos, quoi. Voilà. Je vais pas m'étendre davantage, juste je. Contrairement au linge. Oui, absolument. D'où ça vient? Eh, c'est un ping-pong. Là. Ah, c'est un vrai ping-pong. Pas ce soir, c'est wouh. C'est Roland Garros. Non, juste petite anecdote qui me revient en mémoire. J'étais au cinéma dans la file d'attente pour acheter des bonbons ou des conneries ou du popcorn, je sais plus ce que j'avais pris, bref. Et en fait, il se trouvait que ce soir-là, il y avait une avant-première d'un film avec José Garcia. Qu'est-ce que c'était ce truc? C'était À fond, je crois que ça s'appelait. C'est un film où il va, il est dans une voiture inarrêtable. C'est la version française avec... de Speed. Ouais, ouais, ouais. Bah ouais, ils auraient pu s'abstenir, mais bref. Donc c'est une comédie, ouais, où en gros il est dans une voiture qui ne peut pas s'arrêter, bref. Et donc il y avait ça ce soir-là. Moi, j'allais pas du tout voir ça. Et José Garcia passe derrière moi parce que il devait aller en salle, j'imagine, faire sa présentation. Et du coup, il passe derrière moi. Et je sens un souffle chaud sur ma nuque. Non. Il me calcule pas, puisqu'il me connaît pas. Par contre, il y a un mec qui s'approche de moi et qui me fait « Excusez-moi ». Je fais « Oui ». Vous êtes V pour Valentin? Je fais ah bah oui, donc on commence à discuter et tout, et donc je me mets à rigoler. Je fais mais attends, tu sais que là juste derrière t'as José Garcia là quand même qui est là. Il fait ah oui tiens, c'est vrai, bah c'est super cool de t'avoir rencontré en tout cas, bon allez salut. Et puis le mec il se casse et je suis en mode waouh, trop bien, excellent, trop drôle. Hey José, prends-en de la regarde, hein. Ils sont tes fans, José. Merde. Voilà, donc petite victoire de la soirée, c'était chouette. Voilà. Moi, je l'ai jamais rencontré, José Garcia. Il a l'air très sympa, mais comme je l'ai vu. En tout cas, il est aussi grand que moi. Donc, c'est-à-dire pas très grand. 1m92. Normal. C'est de l'audio, on peut mentir. Oui, absolument. Absolument. Ouais, je vous raconterai peut-être un autre jour mes rencontres avec des doubleurs de séries, de films français aussi. C'était intéressant. C'était à Geek Life, non? Oui, c'est vrai, tiens. Mais sinon, non, de manière plus confidentielle, c'était les doubleurs de la série Smallville. Et donc, parmi eux, il y avait notamment le doubleur de Jack Bauer dans 24, qui s'appelle, mais qui est malheureusement décédé, Patrick Béthune. Donc, il double Jack Bauer dans 24. Et j'ai rencontré ce monsieur fort sympathique, au demeurant. Et aussi la doubleuse de Amy Adams, Lois Lane dans Man of Steel, et aussi de Malicia dans le premier film X-Men, et de Juliette dans le film Roméo plus Juliette. Bref, une petite voix toute douce, elle s'appelle Caroline Victoria, et avec elle on a eu une longue discussion très intéressante sur le métier de doubleur en France qui... Enfin voilà, elle m'a raconté un peu toutes les ficelles, mais ça, il faudrait une émission entière pour en parler. Je vous raconterai ça plus tard, promis. Teasing pour la suite. Mais je me demande si je l'ai pas déjà fait d'ailleurs, j'ai un petit doute. Bref. Je sais pas, moi j'écoute pas l'émission. Donc oui, c'est ça. Voilà. Et puis dernière rencontre, et puis après on peut passer à autre chose. Sean Murphy et Lee Bermeo autour d'une bière aussi dans un bar, qui sont donc deux dessinateurs de comics qui font de très bonnes choses que j'aime beaucoup. Et je me suis retrouvé avec eux autour d'une bière à l'occasion du festival Quai des Bulles à Saint-Malo. Et c'était inopiné, mais c'était très chouette. Voilà, j'étais assez fier ce soir-là, j'avoue. Et il m'a dessiné, Sean Murphy m'a dessiné un camembert dans mon. Dans ton White Knight, dans mon Punk Rock Jesus. Donc j'ai un camembert dedans parce que je lui ai expliqué, il connaissait que omelette du fromage en mot français, ce qui vient de la série Dexter, le dessin animé Dexter. Du coup je lui disais ouais, mais en fait on dit pas omelette du fromage, c'est omelette au fromage, il y a une faute et tout. Je lui explique un peu le truc, je fais mon français condescendant, et donc du coup ça l'a fait marrer. Et je le recroise en salon le lendemain, et du coup le premier truc qu'il me fait, c'est un gros camembert qui pue dans mon bouquin, et il signe, et puis voilà, et c'était rigolo. Bref, histoire amusante que j'avais déjà racontée dans un autre podcast avec vous, chers amis. Est-ce qu'on peut faire une pizza au camembert? Dites-nous dans les commentaires. Et profitez-en pour lâcher les 5 étoiles. Eh oui. Bien sûr. Les 5 étoiles qui sont très très importantes pour nos amis, les algorithmes qu'on a encore étudiés un peu hier, puisqu'on a tous fait nos devoirs. Qui est-ce qui a trouvé ce documentaire d'ailleurs? C'est une idée à qui? Qu'il se dénonce. Ben c'est... alors vous, ça vous a été, enfin vous, parce que moi je l'avais déjà vu, bien évidemment. Ouais, c'est ça. Non, ça a été mentionné sur le Twitter de l'Estaminerd, @Estaminerd. Hein, d'ailleurs, si vous voulez, venez nous suivre, ça nous fera plaisir. C'est pour discuter avec nous tous, c'est sympa. Et c'est un tweetos du nom de Catapulpe, si je ne m'abuse, qui en a parlé de ce documentaire-là. Et notre community manager qui tient le compte de l'Estaminerd n'avait pas connaissance de ce documentaire-là. Donc Catapulpe disait que que c'était un documentaire très intéressant, etc. Et j'ai répondu à ce tweet-là en disant qu'effectivement il y avait pas mal de choses à dire. Que de gossip. Voilà, sans en dire plus, des échanges sur Twitter, comme vous le pouvez le voir, extrêmement intéressants. Donc rejoignez-nous sur Twitter et n'oubliez pas de passer par les liens affiliés, hein, évidemment, pour nous soutenir. Puisque je vous le rappelle encore une fois, nous sommes un podcast de professionnels. Donc, T'as vu que j'ai fait un lien affilié aujourd'hui ou pas? Oui, j'ai vu. Bah, j'ai vu, en plus tu m'as mentionné. Donc, c'est trop fier! La fierté. C'est mon premier lien affilié. La fierté, bravo. Ah, si vous l'avez raté, c'est parce que vous ne me suivez pas sur Twitter. et donc, du coup, voilà. Et j'ai dit qu'effectivement, il y avait pas mal de choses, il y avait plein de choses à dire sur ce documentaire-là, qui est donc le documentaire derrière nos écrans de fumée, disponible sur Netflix. Et ce faisant, vous avez donc tous embrayé au visionnage de ce documentaire. On a fait notre devoir, et donc depuis hier après-midi, on a tous vu ce pod, enfin ce documentaire. Ce docu-fiction. Je crois que ça doit être un docu-fiction, puisqu'il y a un peu des deux dedans. Un docu qui parle de nos amis, les algorithmes qui contrôlent nos vies. Avec des gens qui... Ouais, alors... Il y a un mec qui dit parle, j'ai inventé le bon j'aime, tout ça. Ouais, j'aurais plus dit qu'il parle de l'addiction aux différents... Bon, visiblement, vous n'avez pas vu le même documentaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je trouvais, moi, que c'était plus tourné sur l'addiction et le pourquoi et les dérives... que peuvent entraîner l'addiction à la technologie au sens large, même si c'est effectivement très axé sur les réseaux sociaux, puisqu'on retrouve dedans, dans les intervenants, des anciens pontes de chez Google, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest également, tous ces gens-là qui sont aujourd'hui des repentis et qui viennent témoigner de leur conscience d'avoir donné naissance à un monstre. Repenti, c'est exactement ça. C'est vraiment des gens qui viennent dire on a fait des erreurs, quoi. Mmh. On s'est laissé entraîner, ça nous a échappé. Débordé. On pensait pas mal débordé. Au début, mais en fait, la créature nous a échappé. Mais quand même, ils disent tous le bot, l'algo arrive à tel résultat, mais on ne sait pas comment il a fait, quoi. Oui. Il y a plusieurs fois où c'est la machine, on commence à construire la machine, mais elle finit de se construire elle-même et on sait pas trop comment. Et t'es là, ah ouais, à ce point-là, quoi. Du coup, c'est bien comme doc ou pas? Bah, je vous laisse donner vos avis, comme c'est la partie tech que moi, à chaque fois, j'en fous des tartines. Je vous laisse donner vos avis, puis je viens après. Écoutez, je vais commencer alors. Toi, t'es le dernier à l'avoir vu, tu l'as vu en milieu d'après-midi. Ouais, c'est ça, absolument. J'étais un peu fatigué, donc j'ai pas tout imprimé, mais non, c'était bien. Après, comme je disais, je vous ai partagé un peu mes impressions vite fait. Ça ne m'a pas appris grand-chose dans le sens où c'est un sujet qui m'intéresse déjà quand même un peu et pour lequel j'ai déjà quelques connaissances. Donc ça m'a pas forcément appris grand chose. Par contre, c'est plutôt bien fait. Les éléments sont là, c'est intéressant. Alors il y a 2-3 trucs qui vont peut-être un peu vite et j'étais content d'avoir des connaissances préalables parce que ils passent peut-être un peu vite sur 2-3 choses. Mais globalement non, c'est bien fait. On est bien au courant. C'est un bon constat de ce que sont les algorithmes aujourd'hui, de ce que sont les réseaux sociaux et de ce qu'ils peuvent faire de maléfique en fait à notre société, quoi. Donc non, c'est pas mal, c'est intéressant à regarder, ouais, je trouve. Alors comme le dit Valentin, pardon, je vais décéder ce soir. C'est les odeurs de peinture, ça. Ouais, c'est possible. Comme dit Valentin, ouais, il faut quand même avoir quelques connaissances préalables et s'intéresser au sujet un petit peu pour tomber dessus. D'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est que dans la vidéo, on t'explique que par exemple, si t'es adepte des théories du complot, les réseaux sociaux ou YouTube vont te proposer des vidéos sur la théorie du complot. Donc pour tomber sur ce documentaire qui te l'explique, il faut déjà t'intéresser au fait que les algorithmes te proposent des trucs qui t'intéressent. Donc en fait, c'est un truc un peu sans fin. Résultat, si t'es la victime de ces fameux algorithmes et de ces réseaux sociaux et de ces addictions, eh ben c'est pas sûr que tu vois ce documentaire, oui, puisque oui. du coup t'es, voilà, c'est pas un truc qui va t'intéresser de quitter ton addiction, peut-être, voilà, parce que pour quitter une addiction il faut aussi avoir la démarche volontaire de le faire, je pense. Donc c'est un peu particulier. Exactement. Cela étant, c'est intéressant, mais je crois qu'on est tous d'accord sur le point. En fait, c'est pas vraiment un docu-fiction, mais c'est un documentaire dont les propos sont appuyés par des parties un peu fictionnelles avec une famille qui est mise en scène, avec chacun leur rapport aux réseaux sociaux, aux technologies, etc., notamment surtout les enfants, évidemment. Et donc, ce qui rentre donc dans la définition de docu-fiction. Du coup. Ouais, voilà. Après, oui et non, parce qu'il y a quand même il y a quand même des intervenants. On n'est pas dans une. Oui, je suis d'accord. Mais en fait, à partir du moment où t'as des parties scénarisées vraiment avec de la mise en scène et des acteurs et tout ça, on est dans le domaine de la fiction et du coup, ça rentre dans la définition du docu-fiction. Du coup. Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas que des parties scénarisées, il y a aussi vraiment des intervenants qui, effectivement, comme le disait Yanda, sont d'anciens haut placés, même pour certains, notamment le co-créateur du bouton j'aime de Facebook. Oui, c'est trop, parce que le mec est connu pour ça, quoi. Oui, pour avoir créé le bouton j'aime. Les mecs qu'on crée, genre le moteur à explosion, et lui a créé le bouton j'aime. Bon, voilà, chacun sa croix, quoi. Et donc, du coup, ces parties un peu fictionnelles, font un peu sortir du truc. J'ai trouvé qu'elles étaient parfois pertinentes, notamment vis-à-vis des. Il y a un truc, moi, qui m'a plus parlé, je trouve, c'est le rapport que peuvent avoir les jeunes enfants, enfin, les jeunes ados, en plus, l'occurrence. L'actrice est super, elle joue trop bien, en plus, je trouve. Non, mais après, les comédiens sont pas mauvais, c'est pas inintéressant, mais ça te fait sortir, tu vois, du truc informatif, quoi. Ça te fait rentrer dans un truc un peu téléfilm, un peu moins intéressant. Et notamment, je disais, ouais, par rapport au rapport que peuvent avoir les jeunes ados à l'image, ou effectivement les réseaux sociaux, notamment Instagram, qui est quand même un petit peu le temple de l'ego et du narcissisme, vont avoir tendance à totalement biaiser le truc, quoi. Tout le monde a la tronche refaite au Botox et tout le monde a 50 filtres sur la gueule. Et forcément, bah oui, quand t'as 15 ans ou même moins, quand t'as 12-13 ans, t'es boutonneux, t'as un appareil dentaire, enfin tu vois, t'as pas du tout t'as pas les moyens de te payer des fringues à 150 000 balles, donc forcément t'as pas du tout le physique de ces idoles d'Instagram. Et quand tu postes ta photo, bah t'as pas un milliard de likes, t'en as deux, et c'est genre ta grand-mère qui vient de s'acheter un téléphone et qui a appris à faire des likes, et ton voisin, enfin voilà, c'est pas du tout ça vend pas trop du rêve. Et le documentaire explique très bien que oui, il y a des gens que ça met en dépression de ne pas avoir justement cet amour virtuel, on va dire, qui tombe à chaque photo, et à chaque fois il faut faire plus, et il faut toujours être dans la surenchère, quoi, parce que si t'as 1000 likes le lundi, bah t'en voudras 1500 le mardi, puis 2000 le mercredi, et si le jeudi t'en as que 10, et bah tu dis merde, est-ce que les gens ne m'aiment plus, enfin il y a vraiment ce truc là qui est important, je pense. Et là c'est vraiment de l'éducation, c'est au-delà de l'information, je pense que ouais, c'est hyper important d'apprendre aux gens que non, bah en fait dans la vie tu peux avoir 2 likes sur Instagram et quand même vivre plutôt bien, en fait c'est pas nécessaire, et ça t'empêchera pas d'avoir une vie tout à fait sympathique. Genre toi, ça like bien sur ta chaîne Instagram, toi, ou pas? Moi tu vois, alors j'ai 2 comptes Insta, j'en ai un perso où je poste genre des photos de guitare, mais enfin voilà, des trucs de la vie de tous les jours pas forcément passionnantes. T'es caca et... Tu postes tes caca ou pas? Je suis sûr qu'on va faire un compte de caca Instagram et tu postes tous les jours ton caca et tu peux avoir du like. Bah à mon avis ça fonctionne, hein. Franchement, alors je sais pas si ça serait censuré par Insta, mais en vrai Matt, fais-le et on verra. Moi je m'abonne direct, je suis ton premier abonné. Instagram, host by Matt. J'ai un deuxième compte qui s'appelle Chris Comics Club. Si vous voulez des conseils de lecture, vous pouvez aller vous abonner. Eh, pas oublier de faire un petit placement. Sur lequel je parle uniquement de mes lectures. Et donc, ça se résume à dans 99%. Enfin, je sais pas, il y a peut-être genre 170, 180 posts, je crois, depuis un an et demi qu'il est ouvert. Et il y a à peu près 99% des photos, c'est juste des bouquins. On voit jamais ma tête, on voit jamais autre chose. Je raconte pas ma vie ni rien. Enfin, moi, on en a déjà parlé. Mais moi, je suis assez secret, tu vois. J'aime pas trop étaler ma vie privée sur les réseaux sociaux. Je trouve ça hyper dérangeant pour moi et pour les autres. Enfin, je vois pas pourquoi les gens devraient savoir ce que je suis en train de faire. Je trouve ça assez malsain, presque. Pourtant, tes collègues éboueurs te poussent à dire un peu ce que tu fais dans la vie de tous les jours. Ah, mais ils n'arrêtent pas. Mais bon, c'est vrai que je suis un peu, tu vois, C'est une discussion que j'avais avec Richard Gottener qui me disait à peu près la même chose. Tu vois, il dit c'est pas moi qui suis intéressant, c'est ce que je peux produire qui peut avoir un quelconque intérêt, en fait. Mais c'est un peu ça. Enfin voilà, moi je lis de la BD, et donc le truc qui me fait plaisir, c'est de partager mes lectures et de donner éventuellement aux gens envie de le lire ou pas, d'ailleurs, au moins de les éclairer sur mes dernières lectures. Et donc mon compte Instagram dédié aux lectures, il sert uniquement à ça, à présenter ce que j'ai lu, et en fonction de mes goûts, que les gens connaissent un peu avec le temps aussi, qu'ils puissent avoir une sorte d'échelle de valeur et se dire, ah, ça lui a plu, ça va me plaire aussi, ou alors ça lui a plu, ça va pas me plaire parce qu'on n'a pas les mêmes goûts sur tel ou tel truc. Enfin voilà. Et du coup, sur ce compte là moi j'ai pas de pression, parce qu'en vrai je poste mes lectures, que j'ai 3 likes ou 3000 likes, en fait je m'en bats les couilles, tu vois, il n'y a pas de... ça me change rien, c'est des bouquins que je lis, et voilà, je continuerai à lire des bouquins et à donner mon avis qui est 150 000 ou 3 personnes qui suivent, enfin, ça change pas grand chose. Après, très clairement, les algorithmes, ils font bien leur boulot. Sur Instagram, si je postais ma tête avec chaque bouquin, j'aurais plus de likes. C'est-à-dire que si vous couplez chaque bouquin à un selfie, quitte à ce qu'on voit plus le bouquin et qu'on voit plus que votre tête, hein, vous mettez le bouquin tout au fond de la pièce, vous mettez votre tête en gros plan, et vous aurez plus de likes pour parler du bouquin. Alors c'est peut-être une technique, non? Il y a peut-être un truc à faire pour promouvoir des livres. Tu mets ta tête en gros plan, le livre en petit, et puis... Mais complètement. Mais si en vrai, t'as plus de likes. Puisque la machine, elle, va détecter ça. Et comme c'est très bien expliqué d'ailleurs dans le documentaire, à partir du moment où il y a des visages, parce que évidemment, maintenant Facebook reconnaît même carrément le visage des gens, je crois, tu peux activer ça. Enfin, genre, Facebook te reconnaît, il n'y a même pas besoin de t'identifier, il reconnaît ta tête et il t'identifie automatiquement. Est-ce bien une photo de Chris, il te dit, quand tu mets des trucs? Non, mais c'est vrai, hein. Tu postes une photo de nous deux sur ton compte et il va te dire, est-ce bien une photo de Chris pour que je t'identifie automatiquement dedans. Tu vois, je poste pas de photo de moi sur Facebook, donc du coup, c'est plus facile. Moi, je poste beaucoup de photos de toi sur Facebook et je peux dire que ça fait du like. Mais comme j'ai désactivé les notifications, je ne le sais pas, parce que voilà. J'ai aussi désactivé. Alors, je continue mon histoire quand même de visage. Comme c'est bien expliqué dans le documentaire, qui dit visage dit identification, qui dit identification dit interaction entre les gens, et donc plus de likes, plus de commentaires, etc. Et donc plus de temps passé sur les réseaux sociaux, et donc plus de possibilités de te vendre de la pub, puisque tout le temps que tu passes sur les réseaux sociaux, on te vend de la pub, évidemment. Et donc oui, Instagram, si tu postes, il faudrait que je fasse le test. En vrai, ça serait assez rigolo. rigolo, mais je sais pas vraiment comment le doser, mais poster deux photos, donc du même bouquin, une où on voit juste le bouquin, et une où on voit ma tête, à la limite en gros plan, et le bouquin tout au fond de la pièce. Et coller le même texte, même hashtag, etc. Et voir les statistiques d'affichage. Écoute, on va faire l'exercice. Dès que j'ai 5 minutes, on fera l'exercice. Et comme on peut voir les statistiques et le nombre d'affichages d'une photo, voir si celle où on voit ma tête, sachant que tout le reste du contenu est identique, est plus souvent affichée que celle où on ne voit pas ma tête. Et je peux parier que oui, c'est une certitude, tu vois. Je suis actuellement sur Chris Comics Club pour donner un indice aux gens. Du coup, je regarde le nombre de likes. Tes couvertures, elles ont entre 75 et 125 likes, en fait, quand c'est une photo ou du couverture. Ouais, en moyenne, on a une centaine de likes, en moyenne, on va dire, à peu près. Il y a 2-3 photos où il y a ta tête. Et surtout, il y a des couvertures où il y a vraiment une tête. Tu vois, je pense à la couverture de The Mask, par exemple, qui est sortie chez Delirium, ou la couverture de Shadowman chez Bliss Comics. Et ben, celle-là, il y a vraiment un visage identifiable par un bot, et ben, tu passes tout de suite à 190, 200 likes. Tu passes du simple au double dès qu'effectivement il y a un visage. Si repérable, tu regardes Harleen, dans les dernières lectures, il y a Harleen où il y a la tête de Harleen en gros sur la couverture. Elle doit être à 200 likes aussi. Harleen, ça marche fort, ouais. Ouais. Après, il y a des thèmes qui sont plus ou moins porteurs. Quand tu partages du Batman, Harleen, des trucs comme ça, il y a plus de likes de base que quand tu partages de l'indé un peu obscur. Enfin, il y a aussi une certaine logique qui est plus basique en fait, hein, qui correspond au goût des gens et aux trucs très célèbres. Mais si tu prends la cover de Cosmo Cats, 87 likes, la cover de Dark Crystal, 84 likes, la cover de Shadowman, il y a un visage. On est sur le même échelle de notoriété d'univers. Elle fait 182 vues, quoi. Simplement, il y a le visage. Ouais, non, mais c'est fort probable. Et ben, je te dis, on va faire le test. Peut-être pas demain, parce que de toute façon, les gens entendront ça bien après. Donc, le test aura peut-être déjà été fait. Mais je vais poster vraiment deux fois la même chose avec une photo où on voit ma tête, une photo où on voit pas ma tête. Et on verra. En fait, le nombre de likes est pas forcément parlant parce que les abonnés peuvent un petit peu influer sur le truc. Mais quand t'as un compte, tu fais un compte, c'est ce qu'ils appellent les comptes pro ou je sais pas quoi là sur Insta, t'as vraiment le détail du nombre d'affichages de ta photo. Et on verra laquelle des deux a été le plus affichée. Et on se tient au courant dans un prochain épisode, c'est promis. Et donc pour le coup des je sais plus de quoi je parlais après les visages, je disais non, je sais plus ce que je disais. Du documentaire, sinon, mon montage, on vient très du documentaire. Oui, non, mais je sais pas. Oui, non, mais je sais plus ce que je voulais rajouter. Ça va me revenir. Je sais plus. Peu importe. Je me suis perdu dans cette histoire de visage. Faut dire, Valentin et moi, on t'a pas trop aidé non plus. Non. C'est vrai que vous m'avez un peu fait un peu bifurqué comme ça vers l'inconnu. Non, je sais plus ce que je racontais. Tant pis. Cela dit, pour rebondir, je suis d'accord avec toi sur la partie fictive qui m'a un peu pété les couilles, qui m'a directement cassé les burnes en fait. En vrai, pour ne pas tout le temps utiliser le même terme, ça m'a pété les couilles, ça m'a cassé les burnes, ça me les a brisées. Rendement. Rendement, absolument. Je trouvais ça chiant, que ça n'apportait pas grand chose. Alors je vois l'idée, c'est pour faire respirer un peu les informations qu'on te donne et puis de montrer dans le quotidien qu'est-ce que ça peut faire. Mais c'est bon quoi, c'est super cliché, c'est relou, ça m'a saoulé. Bref, ne parlons pas de la forme, parlons du fond. En vrai, c'était intéressant, mais c'était hyper dense pour du coup parler de la forme et pas du fond. Et moi, je trouve qu'il y a énormément d'infos. Je trouvais ça hyper compact à suivre, surtout que c'est de la VO sous-titrée et du coup, c'est compliqué de lire des sous-titres de mecs qui te parlent très vite de jargon technique et d'essayer de voir aussi quels sont leurs palmarès puisque c'est écrit à un autre endroit de l'écran. Alors, je t'arrête parce que c'est une VF, hein, donc tu peux le regarder en VF, il y a un doublage VF. Quoi? Je l'ai vu en VF. L'algorithme ne me connaît pas si bien que ça, alors s'il me l'a proposé en VOST. Bah non, mais après, ça dépend de tes réglages sur Netflix. C'est ça. Ah bah non, moi, je suis le genre de mec à regarder de la VO. Moi aussi, mais quand je regarde un truc comme ça, c'est un truc que je vais juste écouter, tu vois, et que je vais pas forcément regarder avec beaucoup d'attention, je le mets en VF, donc tu peux le regarder en VF. Et voilà. Et faudra que je le regarde parce que ça expliquera peut-être pourquoi ça m'a saoulé et pourquoi j'ai. Moi, je suis pas allé au bout en fait. Sur la partie fictionnelle, il y a un moment où le gamin n'a plus son téléphone, il se lève la nuit pour piquer un truc dans le frigo, son téléphone sonne, à ce moment-là, il va voir sa notif. Moi, j'ai arrêté à ce moment-là, ça me saoulait, j'étais déjà paumé et tout. J'avais compris qu'il fallait que je désinstalle Facebook de mon téléphone pour qu'il arrête de m'espionner. J'avais compris que le truc principal, c'est de dire vous n'avez plus le choix, le seul choix que les algos et les plateformes vous laissent, c'est est-ce que vous allez consulter vos notifications sur le téléphone au moment où vous vous levez ou est-ce que vous allez consulter mettez vos notifications sur le téléphone juste après vous êtes levé, pendant que vous êtes en train de pisser, et que c'est le seul choix qu'on te laisse aujourd'hui. Du coup, pour moi, il y a un côté épouvantail en fait dans ce truc-là, où et où on va en faire beaucoup. C'est-à-dire que on est, si vous avez écouté quelques épisodes précédents de ce podcast, on a quand même quelques notions de la dangerosité que peuvent avoir ces outils et ce genre de choses. Enfin, par exemple, on l'a dit plusieurs fois, mais il y a rien de perso moi sur les réseaux. Il y a des trucs de maths pour les trucs que je vais produire en tant que maths, mais maths c'est un pseudo et il n'y a pas ma vie sur les réseaux sociaux. J'ai pas besoin de mettre des photos de mon chat ou de mon gamin, ou de raconter ce que j'ai acheté pendant mes courses. Ce qui est intéressant, c'est effectivement ce qu'on peut produire Team Gotenner, et pas forcément notre vie au quotidien quoi. Donc on est, nous, assez conscients voilà, de la limite et des dangers que peuvent avoir ces trucs là et ce côté grand épouvantail où on va te dire c'est dangereux, on te laisse pas le choix, on te manipule, c'est dangereux, et sans apporter plus de fond que ça, moi m'a un peu laissé sur ma faim, et voilà. Mais j'ai pas besoin. Mais tu n'es pas allé jusqu'à la fin justement. Non, je suis pas allé jusqu'à la fin parce que bah du coup j'avais pas l'impression que ça me racontait beaucoup de choses supplémentaires par rapport à ce que je pouvais attendre. Sur la fin, je pense que Valentin et moi on va pas forcément être d'accord. Spoiler. Je voulais revenir sur l'histoire des notifications, c'était ça dont je voulais parler. Moi ça fait bien longtemps que j'ai désactivé toutes les notifs sur mon téléphone. Les seules notifs que j'ai, c'est genre les appels et les SMS, parce que en fait j'appelle et j'échange des SMS avec genre deux personnes ou trois personnes en moi, famille proche, enfin très proche. Donc, en même temps, c'est quand même bien que ton téléphone tu puisses encore avoir les appels dessus, c'est plutôt pratique. Oui, mais c'est vrai, mais en fait on l'oublie hein, aujourd'hui, franchement, moi mon téléphone me sert à beaucoup plus de choses. En fait, je téléphone rarement avec mon téléphone, quoi, si tu regardes bien. Mais les notifs, ouais, parce que je trouve qu'on est perpétuellement sollicité, parce que t'as déjà les notifs de choses qui ont un rapport avec toi, c'est-à-dire que tu vas avoir genre un tel vous envoie un message, mais après t'as les notifs du genre machin a ajouté du contenu à sa story, machin a publié, mais en fait je m'en bats les couilles quoi, je veux dire machin il fait ce qu'il veut, enfin ça m'intéresse pas, et je trouve ça effectivement, et là pour le coup oui c'est très bien expliqué dans le documentaire, c'est fait pour te faire revenir, c'est-à-dire que la curiosité te pousse à aller voir, et moi quand je recevais des notifs, c'est pour ça que j'ai tout désactivé, c'était bah par exemple si l'un de vous ajoutait du contenu à sa story, si l'un de vous poster une photo, si l'un de vous avait je sais pas quoi, ils prennent en compte les gens avec qui tu échanges très souvent. Je n'avais jamais de notifs de la part de gens avec qui je ne parle jamais, j'avais toujours des notifs sur des gens avec qui j'ai des conversations ou des gens avec qui j'ai des interactions, même au moins sur les réseaux sociaux un minimum, tu vois. Et pour le coup, cette mise en scène de l'algo avec les trois comédiens là qui sont dans le centre de contrôle, qui est un unique comédien du coup. Voilà, tout à fait. J'ai trouvé ça très bien. Bah, c'est très kitsch, mais ça, c'est très parlant. Ça explique très bien. Ouais, voilà. Ouais, vas-y, on lui renvoie ça. Il a bien aimé, et puis il aime bien parler à machin. Donc on l'a pas vu depuis deux jours. Envoie-lui une notif, fais-lui ça. Un acteur qu'on a notamment vu dans la série Mad Men, pour ceux qui connaissent. Bref. Et donc pour la fin, on va pas spoiler la fin, c'est un documentaire, donc chacun y verra ce qu'il veut, hein, voilà. À la fin, je comptais parler de la fin par les machines. Aussi. Non, mais c'est sur le sujet abordé, mais bref, vas-y, Chris. La fin est assez alarmiste quand même, c'est-à-dire qu'on nous dit que les réseaux sociaux vont mener à la guerre civile, vont mener que les réseaux sociaux vont pas nous aider à régler des problèmes, par exemple liés au climat ou liés à l'écologie, alors que c'est ce qu'ils devraient faire. Ça, c'est factuel, on le voit aujourd'hui. En fait, on est en plein dedans. Après, le côté un peu alarmiste à base de les réseaux sociaux propagent la guerre civile, etc. Des guerres et des guerres civiles, il y en a eu quand même beaucoup avant les réseaux sociaux. C'est un petit peu comme les jeux vidéo rendent violents. C'est vrai que c'est connu que Hitler, par exemple, était hyper fort à Call of. Je pense que c'est des exagérations de notre époque. C'est-à-dire que c'est un phénomène actuel. Mais Hitler était-il violent lui-même ? Tu vois, c'est... Je pense pas que c'était le mec le plus fréquentable de l'époque, quoi. Tu vois, chacun ses idées, hein. Moi, je veux dire, les gens qui nous écoutent jugeront de tes convictions, hein, visiblement. Non, je dis pas que la doctrine n'était pas violente. Était-il violent? Ça se trouve, il était très gentil avec les enfants. La pente est tellement glissante. Il y a déjà un hashtag. C'est trop tard. Et du coup, je trouve le docu un peu alarmiste sur ce côté. Enfin, les réseaux sociaux seraient responsables de tous les maux à venir. Enfin, en tout cas, auraient un grand rôle dans ces maux-là. Je pense que la presse, la télé, la radio jouait déjà ce rôle-là dans des phénomènes de société et dans des dérives, même effectivement militaires ou paramilitaires, j'en sais rien, mais Donc je pense qu'il faut pas être aussi alarmiste que ça. Maintenant, je pense vraiment que par contre, ouais, le point que je retiendrai, c'est, encore récemment, j'entendais l'histoire d'une gamine qui s'est suicidée à cause de ça, du harcèlement sur les réseaux et tout. Vraiment, enfin, je pense que là, c'est de l'éducation et ça devrait passer par les parents, par l'école, par tout le monde en fait, même par tes potes, tu vois, t'as toujours des gamins qui sont plus ou moins éveillés à ces questions-là. Je pense que c'est hyper important de diffuser ça comme message, que c'est pas parce que t'as pas de like, t'as pas de retour sur ce que tu produis, que ce que tu fais, c'est de la merde. Déjà, premièrement, tu peux avoir aucun retour, tu peux être le mec le plus doué du monde et n'avoir aucun retour. Valentin. Non, il dit des bêtises. Ah oui, vas-y, bah oui, non mais par exemple, mais je veux dire, tu vois, Valentin, tu peux être dégoûté, tu produis un truc, t'es censuré par des plateformes de merde comme YouTube, tu vois, moi, il y a de quoi être dégoûté, mais c'est pas pour ça que le contenu derrière est mauvais, enfin, c'est évident. J'ai déjà deux trucs sur lesquels je veux réagir là. Vas-y, continue. C'est bien ça. Prenez note. Ouais, on va se faire défoncer, Chris. Il va nous taper. Et en tout cas, enfin voilà, c'est hyper important de diffuser ça comme message que oui, on peut bien vivre sans avoir plein d'abonnés, plein de likes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu un truc. Nous, on participe à ça. Hein, je veux dire, on produit du contenu sur Internet. Forcément, on rentre dans le jeu de liker, partager, machin. Mais voilà, enfin, il faut pas. Il faut pas que le chiffre, le nombre d'abonnés, le nombre de followers, le nombre de likes devienne un barème de notation qualitatif. C'est-à-dire que c'est représentatif peut-être des gens que tu vas toucher, mais comme le disait Matt, tu peux poster tous les matins une photo de ton caca du matin et c'est pas pour ça que ça sera qualitatif, mais je suis sûr que ça touchera des gens parce que ça fera forcément un buzz d'une façon ou d'une autre. Donc faut surtout pas que ces chiffres-là deviennent un système de notation. Malheureusement, c'est exactement comme ça que ça fonctionne, hein. On met en avant ce qui fonctionne déjà et ce que les gens like et tout. Mais je pense que c'est un message à diffuser, en tout cas, que c'est, même si vous faites que 3 vues sur votre vidéo, que vous avez 2 likes sur Instagram, bah, c'est pas grave, si ça vous a plu de le faire et vous êtes content de ce que vous faites, et bah, c'est déjà un gros morceau. On en a déjà un peu parlé dans le comment se lancer sur Internet et tout, mais on est en plein dedans, quoi. Enfin, il faut pas faire des trucs pour avoir des likes, il faut faire un truc parce que t'aimes le faire, et après, s'il y a des gens qui apprécient ça et qui le suivent, tant mieux, sinon, vaut mieux rien faire, en fait. Si tu fais un truc, en sachant que tu vas être déçu et que tu vas rager H24, bah du coup c'est contre-productif. Et puis tu parlais de notation, mais c'est même au-delà de l'algorithme qui va choisir à ta place ce qu'il met en avant et tout ça, c'est les gens l'ont intériorisé, c'est-à-dire que quelqu'un qui aura produit une vidéo à plusieurs milliers de vues et qui sera à chier, mettons, et quelqu'un d'autre qui aura fait une vidéo qualitative mais qui aura une quelques centaines de vues, la personne derrière son écran va faire bah non, je vais regarder celle qui a plus de vues parce que forcément si elle a plus de vues, c'est que c'est plus intéressant en fait, donc bref. Je suis assez d'accord sur la fin au niveau dans le sens où c'est effectivement alarmiste, je trouve, et que globalement tout le documentaire est là pour faire peur, hein, même s'il y a des choses assez factuelles qui sont dites et puis ouais, après on laissera peut-être Yanda parler parce que il va avoir beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais je suis d'accord que c'est à l'américaine, quoi. Donc c'est pour ça aussi que la partie fictive m'a gêné, c'est que c'est vraiment ah là là, regardez cette petite famille de gens honnêtes qui se fait totalement lobotomiser par les réseaux sociaux et tout. Bon, ok, d'accord. Ce côté-là du documentaire m'a assez saoulé. La fin du documentaire parle effectivement de l'ingérence des applications, des réseaux sociaux dans les élections, dans dans la politique des pays, en fait. Et ça, c'est intéressant. Là où il dramatise un peu aussi, mais c'est vrai que, pareil, tu vois que ça ne va pas, qu'il y a clairement quelque chose qui ne va pas aujourd'hui dans le monde vis-à-vis des réseaux sociaux et de la politique, et que c'est clairement problématique. Cela dit, quand il parle de guerre civile, il n'y en a qu'un seul qui fait référence à la guerre civile. Il dit c'est la prochaine étape. Moi, je pense que ça va aboutir à ça. Bon, bah, ses propos n'engagent que lui. Moi, à titre tout à fait personnel, je pense qu'on est sur une pente descendante au niveau de la stabilité mondiale. Je pense que ça peut péter à plusieurs endroits à certains moments sans après, forcément. Je suis totalement d'accord. D'accord, mais je veux dire, c'est pas nécessairement généré par les réseaux sociaux. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est qu'en fait, pour moi, même si ça se finit pas en Troisième Guerre mondiale, mais je pense qu'il va y avoir plusieurs conflits dans les années à venir, mais je ne suis pas historien ni. Enfin voilà, c'est. Peut-être pas troisième, mais deux et demi, quoi. Deuxième et demi, quoi. Mais surtout, je pense que là où eux, dans le documentaire, mettent l'accent sur les algorithmes et où ils laissent sous-entendre clairement que ça va être la cause de ces problèmes-là dans le futur. Moi, je pense que c'est plutôt un symptôme où il y a d'autres personnes qui parlent notamment de l'effondrement de nos sociétés et tout ça, ou même des gens qui sont assez alertes sur le changement climatique, qui eux te disent, bah non, c'est parce que l'eau commence à disparaître que en Afrique, par exemple, que ça va amener à des conflits, que les ressources se font de plus en plus rares, donc va y avoir des conflits. Et donc, pour moi, les réseaux sociaux et tous ces problèmes d'algorithmes sont un symptôme supplémentaire du fait que ça peut mal tourner. Après, l'avenir nous le dira, hein, personne n'est né devin, donc on verra comment ça va se passer. Mais voilà, dire que les algorithmes et les réseaux sociaux sont responsables de tous les problèmes à venir, ça me paraît un peu gros, effectivement. Voilà. Pour revenir sur quelque chose d'un peu plus léger et pour finir sur ce que j'aurais à dire sur le sujet, on parlait de diffusion et de likes et de récompenses qu'on a quand on a plein de likes. Dopamine. Absolument. Et c'est vrai qu'on peut rapidement tomber dans le piège, même notamment quand on fait de la vidéo sur YouTube. Le fait, je ne sais pas si c'est le fait d'être informé sur ces sujets ou d'être assez mature maintenant, ou bien de ne pas avoir eu de succès. Mais en tout cas, je suis beaucoup plus serein avec ça maintenant et je préfère largement diffuser Ocus dans un bar, mettons. Même en pleine période de Covid, quelle erreur de diffuser ça dans un bar avec des gens que je vais voir de mes yeux réagir à ce que j'ai fait, plutôt que d'avoir 50 000 personnes. Ça me ferait plaisir hein, qu'il y ait 50 000 personnes qui regardent ce truc là, mais je veux dire mon plaisir sera forcément plus grand avec 30 personnes qui boivent une bière et qui rient de mes conneries que 50 000 personnes qui sera juste un chiffre et où jamais je saurais s'ils ont vraiment aimé ou quoi, ou voilà. Je trouve qu'il faut, et ça fait partie d'une philosophie plus globale que j'ai en ce moment, en fait, qui est de se déconnecter de plus en plus et de profiter de revenir à des choses beaucoup plus terre à terre, en fait, de faire exactement ce que je fais au niveau de la vidéo et tout ça, mais et de la vie d'une manière générale, mais en fait on peut retrouver ces mêmes sensations et on peut retrouver ce que les réseaux sociaux nous offrent, mais dans la vraie vie, mine de rien, et qu'on commence un peu à oublier ce genre de les amis, choses, tout ça, quoi. Tu veux dire exactement, mais ouais mine de on rien peut genre rencontrer des gens à l'extérieur de chez soi, exactement. Et écrire sur leur mur ouais, c'est ça, ouais et puis ouais. Ouais, tout à fait, et ça fait assez candide et naïf ce que je dis, et voilà, mais je pense qu'on l'a un peu oublié sur certains aspects, et puis ça fait pas de mal de le rappeler, hein, clairement. Voilà. Avant de laisser Yanda s'exprimer sur le sujet intelligemment, moi je suis OP pour la Troisième Guerre mondiale, d'accord? Je suis OP pour la Troisième Guerre mondiale, mais à ce moment-là, je veux qu'on élise les chefs militaires au like sur les réseaux sociaux. Donc je veux une armée menée par Nabila, une autre par Thibaut InShape. Ah ouais. Tu vois, une autre par, je sais pas, tu sais, une influenceuse là qui fait des unboxings de meubles Ikea, un truc comme ça. Faire la guerre avec les Balkans, expérience sociale. Voilà. Et surtout, qu'une fois que le conflit sera terminé, on immortalise ces gens avec des duckface dans les livres d'histoire. Je veux dire, c'est important qu'on représente les faits, parce qu'on a tendance à enjoliver un peu l'histoire. Tu vas dire, ah, machin. Non, il faut représenter les faits tels qu'ils se sont déroulés. Donc, c'est important. Bon, alors, Yanda, est-ce qu'on a bien compris le film ? Alors oui, vous l'avez bien compris. Merci Yanda. Eh bien, c'était un très bon épisode. Quel enfoiré. Je voulais juste revenir sur un tout petit point avant de parler du documentaire. Je reviens sur le clic des photos où tu disais que Facebook t'avait dit hey, est-ce que c'est une photo de Chris en te demandant de en valider. En fait, c'était une dick pic, mais bon. Il faut savoir. Chers auditeurs, chères auditrices et chers collègues et amis, que ce genre de questions, c'est tout sauf gratuit. En fait, en répondant à ces questions-là, vous contribuez à l'apprentissage de l'IA, de Facebook et de l'identification des images. C'est-à-dire que si tu cliques par exemple « oui », ben, tu envoies l'information à l'IA qu'il a bel et bien reconnu sur la photo un visage qui était donc un visage associé à ce profil-là. De la même façon, Google, pour développer son IA de reconnaissance de photos à l'échelle de Google Maps, vous avez sûrement déjà vu dans les, ce qu'on appelle les recaptcha, les sécurités les de captcha, formulaire ouais, de Google, ça. Cliquer sur je ne suis pas un robot, des fois pour, il a un petit doute, hein, il n'est pas sûr, alors du coup il vous montre des images et il vous dit cliquez sur les voitures, cliquez sur les feux rouges, cliquez sur les trucs comme ça. C'est pas du tout anodin, hein, il faut savoir qu'en cliquant sur ces trucs là, vous participer et vous contribuer à l'affinement de l'IA Google Maps sur la reconnaissance des feux rouges, des plaques de voiture, des voitures, etc., etc. Et donc ça aide à optimiser. Et c'est pour Google une façon gratuite, du coup, d'utiliser la masse d'utilisateurs confrontés à leur reCAPTCHA pour affiner encore plus leurs IA de reconnaissance et leurs algos de reconnaissance photo. Voilà, ça c'était le petit point, qui fait peur, qui fait plaisir. Alors justement, qui fait peur, c'est un des points. Et merci Valentin de l'avoir. Ressenti très bien, mais surtout remarqué et noté. C'est le truc qui m'a dérangé dans ce docu-fiction, qui, au demeurant, parle de plein de trucs et de choses très intéressantes et très vraies et qu'il est très important de souligner. Mais je trouve dommage que tout ça soit fait dans une ambiance très culpabilisante, très angoissante. C'est oppressant. C'est Black Mirror. Ouais, un petit peu, ouais. T'as cette musique en tension derrière, toujours. C'est des plans assez sombres sur les parties fiction. Là, le coup, il s'élève la nuit, etc. C'est très angoissant, c'est très moralisateur, c'est très culpabilisateur. C'est toujours tourné vers les réseaux, c'est le mal. Et c'est la faute des réseaux, certes, mais c'est aussi la faute des gens parce qu'on s'en sert, etc. Et je trouve que c'est une approche, alors c'est une approche qu'ils ont choisie, soit, et c'est pour moi une approche qui n'est pas forcément la meilleure parce que tu n'as pas ce côté informationnel ou éducationnel, parce que expliquer aux gens pourquoi c'est mal, c'est plus intéressant à mon sens que de leur dire juste c'est mal. Et oui, c'est mal, oui, ça peut conduire effectivement, je suis assez d'accord avec la dernière partie qui certes caricature un petit peu, mais pas des masses, sur les débouchés possibles de conflits qui seraient pas dus aux réseaux sociaux, mais qui seraient plus dus à l'utilisation qui est faite des réseaux sociaux. Quand il y a un des intervenants qui dit la Russie n'a pas hacké Facebook pour influencer les élections américaines, ils ont en fait simplement utilisé des outils de Facebook qui étaient à leur disposition et des données de Facebook qui étaient à leur utilisation pour influencer les personnes. Il y a un autre documentaire qui revient sur tout le scandale de Cambridge Analytica qui est dispo sur Facebook, qui s'appelle The Great Hack, que je vous invite aussi à regarder, qui est extrêmement intéressant et qui revient sur tout ce scandale de fuite de données de Facebook et des données utilisateurs qui ont été utilisées pour influencer dans certains états des États-Unis les électeurs, un certain type d'électeurs pour les faire pencher en faveur des républicains. C'est très intéressant et c'est typiquement ce qu'on reproche à la Russie de faire. Sauf que la Russie, pour faire ça, si tant est qu'elle l'ait fait, puisque bon, je ne voudrais pas non plus avoir des problèmes et m'étouffer demain matin dans mon petit déjeuner. Mais, avec nos amis russes, bien sûr. Bien sûr, hein, qu'on salue. Mais ils ont pas vraiment hacké quelques plateformes que ce soit, ils ont juste utilisé les outils et les données qui étaient à leur disposition pour en faire une utilisation, certes malveillante et pernicieuse, mais c'était possible. Et c'est en ça aussi que je pense profondément que tous ces gens qu'on a vus et d'autres, quand ils disent, au début, quand on a commencé à créer ces choses-là, on n'imaginait pas une seule seconde que ça arriverait là où ça en était aujourd'hui. Parce que ce qui a amené à cette évolution-là, c'est l'utilisation de l'outil tel qu'elle en a été faite et les dérives que ça a engendré derrière. Il y a toujours, quand tu programmes un truc, quand tu développes un truc, quand tu mets un outil à disposition, il y a toujours derrière le comportement utilisateur qui va faire évoluer ton outil d'une façon où il y a très peu de chances que tu l'aies complètement ou entièrement envisagé. Aujourd'hui, il s'appuie dessus, parce que c'est vrai que Google et comme tous les autres vont proposer, et ce qui est dit dans le reportage et c'est dans le docu et qui est très intéressant et qui est très vrai, c'est que Google et d'autres vont proposer à petites échelles des nouveautés sur les fonctionnalités ou sur leurs outils, mais à un groupe restreint d'utilisateurs, à plein d'endroits différents, plein de groupes d'utilisateurs différents vont avoir accès à plein de nouveautés différentes et ils vont tester qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, pour finalement après lancer au niveau du grand public, quelque chose de vraiment optimisé. Optimisé pourquoi ? Optimisé pour effectivement la rétention. Il y a un truc qui est hyper intéressant qui est dit dans le docu, qui est que pour deux personnes dont les goûts vont être équivalents et qui vont être inscrits sur Facebook, bah, la logique voudrait que ces gens-là étant équivalents et étant proches géographiquement et tout ce que tu veux, ils aient un feed qui soit le même. Et sauf qu'en fait, pas du tout. C'est complètement différent. Parce que leur comportement numérique, donc leurs utilisations numériques, ne sont pas les mêmes. Et que donc Facebook va adapter les infos qui vont lui être mises dans son flux d'actu, le contenu qui va lui être poussé et suggéré, de façon à le garder le plus longtemps possible sur la plateforme pour pouvoir derrière lui proposer des pubs, etc. Et derrière influencer son comportement, etc., etc., etc. Donc tout ça, c'est très intéressant. Mais... je trouve que on en avait parlé très rapidement avec Matt. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a ce côté un peu culpabilisateur et moralisateur sans avoir vraiment de contexte du point de départ, du comment on en est arrivé là, et ce côté qui serait pour moi un petit peu plus intéressant, un petit peu éducation. Ils le font un petit peu, mais très rapidement, en disant voilà comment ça marche, quels sont les buts monétaires derrière, pourquoi toutes ces entreprises dégagent des masses de fric absolument colossales et comment elles le font, par le biais de la pub, certes, mais voilà, quels sont les leviers qui sont à la disposition des utilisateurs, parce que la solution de leur dire il faut tout couper, il faut tout vous sortir, aujourd'hui on est tellement dedans et on est tellement happé par ces outils, le monde d'aujourd'hui et le monde de demain sera de toute façon connecté et lié à la technologie. C'est comme ça, on est trop loin aujourd'hui, on est trop avancé pour faire complètement machine arrière. Par contre, je reste persuadé et j'ai un peu foi en tout cas une partie de l'être humain, que si on vient éduquer un petit peu les comportements, à partir du moment où tu as conscience de certaines choses, tu peux peut-être corriger un petit peu ton comportement sur le net en règle générale, sur les réseaux sociaux, etc., etc. La partie des notifications, c'est complètement vrai, jusqu'à il n'y a pas très très très longtemps, un an maintenant, quelque chose comme ça, je dirais, j'avais pas mal de notifs, j'avais quelques notifs qui étaient coupés, mais j'en avais quand même pas mal. Et jusqu'au jour où j'ai eu, par une mise à jour Android, l'application Bien-être Numérique qui s'est installée et qui m'a affiché les temps d'utilisation quotidien et en moyenne de mes applis, et aussi le nombre de notifications quotidiennes que je recevais et le nombre de déverrouillages de mon téléphone que j'effectuais. Et quand j'ai vu sur une semaine que je recevais à peu près 300 notifications par jour, à peu près la même chose, un peu plus de déverrouillage, et que je passais, alors les temps sur les applis c'était assez raisonnable, on tournait entre 1 et 2 heures sur les principales applis que j'utilisais, j'ai pris une baffe, surtout en voyant 300 et quelques notifications par jour. Je me suis dit waouh. Et surtout que quand tu regardes les types de notifications, c'est un mail, c'est une notif, effectivement, comme vous avez dit, Facebook ou autre, qui dit « Ah, il y a un tel qui a rajouté du contenu à sa story, etc. » Et du jour au lendemain, j'ai coupé quasiment toutes les notifs. Ce qui fait que quand j'allais sur les réseaux, c'était parce que moi, j'avais choisi d'y aller. Et j'y passais le temps que j'avais choisi d'y passer. Mais j'étais plus perturbé ou interrompu dans ma journée de vie réelle pour être redirigé vers mon téléphone et vers les réseaux et les plateformes. Et ça, c'est un vrai changement. Mais cette démarche-là, on n'est pas forcément tous prêts, ou en tout cas suffisamment conscients de tout le fonctionnement derrière pour l'avoir. Donc je pense que c'est intéressant et c'est utile d'éveiller les gens sur justement les rouages derrière et comment ça se passe, et quel comportement engendre quelles conséquences numériquement parlant. Et ça, on ne l'a pas vraiment dans le reportage. J'avais vu un autre truc qui est sous-entendu dans le reportage sur des micro-astuces de rétention qui sont en fait, toi, le besoin que tu as que tu parles pas dans le vide, en fait. J'avais vu un truc, du coup, c'est une sorte de... Je crois que c'est encore une vidéo de Brut ou de Combini, encore comme ce qu'on disait dans le dernier épisode. Et ça te parle de ces fameux trois points. T'as une conversation avec quelqu'un qui te répond pas. Et donc là, tu vois, il y a les trois petits points de suspension qui sont un peu animés et tout. Et donc, tu te dis, la personne qui est là, elle est en train de répondre, en train d'écrire quelque chose, quoi. Donc, si elle va te répondre, tu restes, en fait. Tu coupes pas ton truc et ça permet d'augmenter la rétention. Ils jouent avec ça dans le documentaire, qui est une petite mise en scène avec ça. Et en fait, il y a plein d'astuces pour que tu partes pas tout de suite si la réponse met un peu de temps à arriver. Et en fait, on est dopé à ça. En fait, on peut pas poster un message à quelqu'un Et que la personne ne réponde pas. Et de la même façon, les accusés de réception, genre sur les SMS ou ce genre de trucs, tu vois, machin a reçu votre SMS, il a été lu à 18h12, là il est 18h16 et le mec ne m'a pas répondu. Qu'est-ce qui se passe, hein? Ouais. Où est le problème? Pourquoi est-ce que... Et du coup, le micro-doc, là, c'était... je retrouverai la rêve. Si je retrouve la rêve, je la mets dans le lien de la description. Je la mets en lien, pardon, dans la description. Du coup, le truc, c'était de... Pourquoi ça nous rend malade, en fait, de voir que machin a reçu mon message et il m'a toujours pas répondu, en fait. Mais qu'est-ce qu'il a de plus intéressant à faire que de répondre à ce texto que je viens de lui envoyer? Et pour, comment ça agit sur nous et comment ça nous rend Moi, ça va, j'étais en train de me branler, Matt, d'accord, ok. On a tous le droit d'avoir un petit moment d'intimité, non, quoi. 25 minutes, 25 minutes. Oui, bah, j'étais pas motivé. J'étais pas très en forme, effectivement, 25 minutes, mais bon. Bref, voilà. Donc, ouais, donc pour revenir sur le reportage, je l'ai trouvé bien dans les informations qu'il donnait. Il y a certaines informations extrêmement intéressantes et très pertinentes, mais la forme, j'ai trouvé un peu dommage. La partie fiction, ça m'a grave fait chier aussi, parce que c'était trop caricatural. Et cette ambiance générale de ton moralisateur et culpabilisant, ouais, j'étais un peu... Je me suis dit, ah, pff, c'est pour moi pas la meilleure façon d'aborder le truc. Effectivement, ce côté très alarmiste... ouais, c'est pas... Ouais, pour finir sur un truc un peu plus positif quand même sur le sujet, moi ce que j'aime bien dire, c'est qu'il n'y a pas de mauvais outils et que de mauvaises façons de s'en servir. C'est-à-dire que tous ces outils-là, ils sont quand même... T'es de retour aussi... sur ta branlette là ou pas? Non, ça n'a rien à voir. Non, ça y est, là, j'ai fini là. c'est quand même des outils hyper pratiques qui permettent de créer plein de trucs, de créer des communauté avec des gens qui partagent les mêmes passions que toi, de rencontrer plein de gens, de pas être tout seul, tu vois, c'est ce que je disais. Moi, j'ai grandi au fin fond de la campagne, j'étais tout seul à lire mes BD dans mon coin, et aujourd'hui, je parle de BD sur Internet, et t'as des centaines, voire des milliers de personnes qui vont venir partager ça avec moi. Donc, c'est très... t'as quand même des possibilités qui s'ouvrent. Et les platistes, qui sont, c'est pareil, hein. Les platistes, ils étaient tout seuls avant, ils se sont rencontrés. C'est valable aussi si t'es persuadé de trucs abracadabrants. C'est malheureusement valable si t'es le dernier des racistes ou le dernier des connards, j'en sais rien, tu vois. Oui, tu trouveras toujours des gens qui partagent tes passions, et c'est pas forcément des trucs cool, mais dans tous les cas, ça fonctionne, et d'ailleurs, si ça fonctionnait pas, il y aurait pas cette émission, tu vois. Donc, ça doit durer 30 secondes, mais ils en parlent vite fait à la fin, mais je suis d'accord qu'ils restent pas. C'est pas ce qui est le plus appuyé, voilà, c'est quand même. Ça. Mais ils le disent quand même, effectivement, tout, enfin, c'est ça, que ça a permis des bonnes choses, et que, mine de rien, il y a quand même des trucs un peu bénéfiques qui après, en ressortent. Après, c'est comme tous les outils qui existent, c'est de la responsabilisation, de l'éducation. Je veux dire, le permis de conduire, il a été inventé après la voiture, parce que tu pouvais pas passer ton permis de conduire quand il y avait pas de voiture. Arrête. Et bah là, on est un peu dans ce domaine-là. C'est-à-dire, bon, il faut peut-être pas un permis pour utiliser les réseaux, mais apprendre aux gens les bonnes habitudes. Et comme d'habitude, en matière de législation et d'éducation, on a 20 ans de retard sur le fonctionnement actuel, donc on créera sûrement ça dans 10 ou 15 ans. Mais oui, je pense qu'en termes d'éducation et d'habitudes et de, enfin, c'est comme savoir un peu démêler le vrai du faux sur Internet et tout. Enfin, on t'apprend pas ça. Et je pense que ça va devenir nécessaire, puisque effectivement, aujourd'hui, les gamins vont naître avec un smartphone dans la main. Et voilà. Enfin, s'il y a pas d'éducation à ce niveau-là, forcément, oui, les outils seront mal utilisés. Mais c'est comme si tu prenais un enfant de 12 ans, tu lui donnais une bagnole qui roule à 300 à l'heure et tu dis vas-y, appuie sur la pédale à fond. Bah non, ça peut pas marcher, tu vois. Le souci, et ce qui est un peu différent vis-à-vis des autres outils, c'est que contrairement à... C'est que le smartphone ne roule pas. Ouais, alors déjà ça c'est une chose, mais surtout le vélo, la voiture, c'est un truc personnel, il y a qu'une seule personne qui l'utilise, et que en gros, bon bah si tu conduis mal et que tu sais pas t'en servir, tu risques de te tuer et éventuellement de tuer quelques personnes avec toi, mais ça va se limiter à quelques personnes. Le problème des réseaux sociaux, c'est qu'en fait... Bon, ça va alors, si tu tues que quelques personnes, ça passe. Franchement. Le problème de cet outil-là qu'est le réseau social, c'est que tu n'es pas tout seul à t'en servir, et que même si tu éduques ton gamin ou que tu t'éduques toi-même, malheureusement, tu auras des millions de personnes qui ne seront pas forcément éduquées de la même manière derrière. Et là où c'est un souci, c'est que même si du coup tu fais ouais, moi je m'en fous, les réseaux sociaux, je sais m'en servir, je suis assez sevré, je passe pas mon temps sur mon smartphone et tout ça, le danger, et c'est ce dont il parle dans la dernière partie, c'est que malheureusement, si un algorithme peut et un réseau social peut interagir et agir sur des élections ou des conflits politiques, t'auras beau être éduqué sur la question, l'outil il fera quand même du mal parce qu'il faut en fait que tout le monde soit éduqué de la même manière sur le sujet, contrairement au vélo. Je me permets de remettre un peu en cause ta théorie, Valentin, dans le sens où, par exemple, socialement, tu sais que si on te donne un couteau, faut pas mettre des coups de couteau aux gens dans la rue, par exemple, tu vois, ça se fait pas. Toi, tu le sais, tu es dans la rue, tu ne mets pas de coups de couteau aux gens. Si un mec sort dans la rue, commence à mettre des coups de couteau à tout le monde, il va tuer des gens, et alors que toi, tu te comportais bien, tu vois, ça vient pas de toi. Et derrière, si c'est repris par un politique comme, comme argument électoral, ça pourra faire basculer une élection. Donc, évidemment, c'est à une échelle tout autre, mais je pense que mon comparatif, il est pas complètement pété. Tu m'as perdu, mais il essaie de t'embrouiller pour prouver qu'il a raison. Oui, non, mais okay. Non, pas du tout. C'est pas pour prouver que j'ai raison, mais je veux dire le comparatif est pas totalement. Effectivement, c'est parce qu'après c'est l'échelle internet où là t'as des milliers de personnes à la fois. Exactement. Mais c'est pas parce que toi tu te comportes bien que les gens en face vont forcément se comporter bien aussi et ne pas te porter atteinte alors que toi tu te comportais bien. Mais du coup l'outil est dangereux sur une échelle macro, on va dire. Même si tu, si toi tu, mais parce que l'effet est multiplié par des milliers de personnes. Mais voilà, c'est ça. Si tu faisais la même avec n'importe quel autre outil, ça marcherait pareil. Eh ben, écoutez, je suis perdu. Ça y est. Vas-y, Matt, tu peux finir du coup. Après, il y a juste un truc. Il y a un truc aussi, c'est que ce qui est vicieux avec les outils comme les réseaux sociaux, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont, en termes de données notamment, qui sont récupérées, analysées et qui sont utilisées, qui sont des choses que l'utilisateur lambda ne voit pas. Tu vois, typiquement, tu peux avoir beaucoup de gens qui vont dire, de toute façon, moi j'ai rien à cacher, je peux poster une photo de mon chat, de toute façon, qu'est-ce que Facebook il en a à foutre que je poste une photo de mon chat? Et en fait, il faut voir un petit peu plus loin que ça, c'est-à-dire que l'algorithme ne va pas se contenter de voir que Jean-Pierre a posté, pardon pour les Jean-Pierre qui nous écoutent, ça n'a rien de péjoratif votre nom et prénom, mais Facebook, l'algorithme en tout cas X ou Y, ne va pas voir que le fait que tu as posté une photo de ton chat. Il va récupérer tout un tas de choses, ce qu'on appelle les métadonnées. C'est-à-dire que, par exemple, il va regarder à quelle heure tu as posté la photo. Est-ce que tu postes souvent des photos? Est-ce que tu postes souvent des photos à la même heure? Et donc, avec tout ce genre d'informations-là, d'où est-ce que tu as posté ta photo, ça dresse un profil type. Typiquement, en fonction de ton âge, on sait que si tu postes plutôt des photos le soir, c'est peut-être parce que la journée, tu travailles. Et en fonction du contenu des photos que l'algorithme va détecter, tu peux être plus intéressé par tel type de contenu que tel autre type de contenu. Et c'est tout ce genre-là, c'est pas le fait de poster une photo du chat, c'est le fait de poster une photo à telle heure, de tel endroit. Il y a énormément de données qui sont induite avec le simple fait pour un utilisateur de poster une photo. Donc c'est toutes ces informations-là et tous ces process-là qui, pour les utilisateurs, bien évidemment, ne sont pas connus ou même en ont conscience, et qui engendrent les comportements et les dérives derrière par les algorithmes, parce qu'en fait, ils ont une masse d'informations, mais qui est colossale, et qu'avec ces informations-là, les machines aujourd'hui arrivent à faire des profils d'utilisateurs qui sont hyper pertinents et hyper pointus, et qu'on en arrive à tous avoir un contenu qui est poussé en pub sur son téléphone, et où on a l'impression qu'en fait on a été sur écoute parce que c'est un truc dont on a parlé il n'y a pas longtemps, et hop, comme par hasard, j'ai une pub sur mon téléphone ou sur le réseau. Mais en fait, c'est pas vraiment que t'as été sur écoute, c'est plus que l'algo a été suffisamment pertinent pour te pousser le contenu au bon moment. Et là, ça fait un peu plus peur quand tu réfléchis comme ça. Par contre, là, je viens de recevoir une notif de Vladimir Poutine qui me demande le chemin le plus court pour faire Moscou-Bordeaux. Alors, pourquoi il s'adresse à toi? Parce que tu sais, moi, je suis un peu des pays de l'Est et tout. Donc, le mec, c'est tiens, c'est un cousin. Voilà, quoi. Chris, il a une grande cave, c'est parce qu'il distille sa propre vodka en Normandie. Il parle entre dieux. Je vous rappelle que nous ne sommes que de pauvres mortels, donc... Tu m'as jamais vu torse nu à faire du cheval, c'est pour ça. à faire de l'ours. De l'ours, voilà. Une petite histoire de caca d'ours, peut-être, pour terminer cet épisode. Hein, un petit Chris qui fait de l'ours. C'est quand même assez peu commun de se retrouver face à des déjections d'ours. Nous, on chevauche pas des ours comme toi toute la journée, c'est peut-être pour ça. Mais toi, tu as pu être confronté. Non, je n'ai rien pour rebondir à cette invitation, malheureusement. On se donne des devoirs pour la prochaine fois. On regarde un autre documentaire qu'on critique ensemble. On fait quelque chose. Eh bien, que les gens nous proposent. Que les gens nous proposent sur les différents réseaux. Mais pas pour le prochain, parce que le prochain, c'est un spécial. On aura un invité. Un invité qui a une barbe. Très bien. Le Père Noël. Et donc, il manquera l'un de nous quatre. Ah oui. Enfin, l'un de vous trois, quoi, parce que. Putain, c'est plus dur que Koh Lanta cette émission. Eh oui. Ouais. L'un de vous n'a pas l'immunité pour le prochain épisode. Oh mon dieu. Faudrait demander aux gens de voter qui veulent ne pas entendre dans le prochain. Ouais, vous voulez le. Mais plus en mode love story que Koh Lanta, tu sais, avec des gifs, tu sais, de nous qui bougent tout le temps dans le même mouvement. Ouais. Avec putain. Des chiffres. Alors là, ça. Est-ce que tu te souviens que sur la première version de lescomics.fr, on voulait faire ça et on n'a jamais réussi à le mettre en place. C'est vrai, et c'est dommage parce que c'était beau. Écoute, ça me fait plaisir que tu ailles dans mon sens quelques années après, parce que ça a été, été dur à convaincre à l'époque. T'es un précurseur, c'est tout. Ouais. T'es trop en avance, toi. Influenceur d'influenceur. T'es un homme du futur. Et il faut qu'on relance cette chronique influenceur d'influenceur, parce que je vous rappelle, quand on parle de trucs dans ce podcast, on les voit arriver ensuite dans la vraie vie et sur nos réseaux et tout. Et ça nous est arrivé il n'y a pas longtemps encore. C'était quoi le dernier truc influenceur d'influenceur ? C'était l'œil. Toi qui avais sorti un truc. C'était l'œil. Ah oui, c'est ça. Ah oui, l'œil. J'ai mis une photo de profil Facebook. J'ai mis une photo et c'est juste un zoom de mon œil. Et là, je vois passer sur Twitter depuis quelques jours des gens qui posent leur œil. Pareil, avec un hashtag pose ton œil ou un truc comme ça. Vivement une photo de ta bite. Influenceur d'influenceur. Bah, déjà, il y aura des photos sur Twitter. Déjà, quand je vais lancer mon compte de caca Instagram, je peux te dire que ça va changer la face du net. Ça a changé la fesse du net. Et on aura été les premiers au parfum. Allez, on fait l'odorama. C'est noté pour le prochain épisode. Merci d'être venu suivre ce 14e rendez-vous avec les staminaires d'un rendez-vous. On ne sait plus, il y en a trop. Hein. On ne sait plus où on en est. Un rendez-vous bien dense. Il en manque un surtout. Mais où s'arrêteront-ils, quoi ? C'est ça la question que tout le monde se pose. N'hésitez pas à parler de l'émission auprès de vos amis, voire de vos familles, ou même des gens que vous n'aimez pas. Sortez dans la rue, parlez de l'émission avec des inconnus. On ne sait pas, ça peut faire un sujet de conversation qui te permet de rencontrer des nouvelles personnes. Et ça se trouve, tu vas rencontrer l'homme ou la femme de ta vie parce que tu auras discuté de l'estaminaire avec un ou une charmante inconnue dans le bus. Voilà. Et tu pourras dire que c'est un peu grâce à nous, grâce à Valentin, grâce à Yanda, grâce à Chris, voire grâce à moi. Non, moi je veux juste être invité pour bouffer au mariage et tout. Après, je veux pas de mérite, mais par contre, je veux bien venir manger. Est-ce que tu danses au vin d'honneur, toi ? Non. Bah déjà, il boit pas le vin d'honneur. Donc, Je mange uniquement les bons canapés. Hein, parce que alors, les trucs mal faits, tu sais, genre les pains surprises et tout, c'est pas la peine. Annulé, ça c'est dégueulasse, hein, le pain surprise. Non, préparez-moi un truc décent hein, si je viens. Parce que... Et n'oubliez pas, Chris mange trop gras, trop salé et trop sucré. Toujours. Ah, ça, les vrais savent. On finit là-dessus, non ? Y a pas le... Et surtout, lavez-vous les mains ? Ok, oui. Très bien. Et bah alors. Bah c'est bon, tu viens de le dire, c'est bon. Ah, ok. Allez, coupon alors. Hein. De réduction ? En fait, Chris, tu penses qu'il dort pendant l'épisode et non, il est dans les starting blocks et il dit au moindre truc, il écoute que les mots un par un pour mettre des vannes dessus, pas du tout le contenu. Il a des triggers, ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien. C'est tellement difficile. Bon, j'arrête, hein, je coupe au moins.